Hey hey hey, salut tout le monde, ici Sébastien Bouchard au micro et bienvenue à l'épisode numéro 17 de Fun de regarder film, le show. Équipe de feu, pleine de testostérone ce soir car je suis en compagnie de Jean-François Tremblay. Salut Jean-François. Hello. Hey, sorti de l'enfer des rénovations. Mm-hmm. Oui, hein, on entend bien la pièce autour de toi, c'est beau. Oui, hein. Je suis dans une pièce. Tu es dans une pièce, on entend la pièce. Non, oui. Sérieusement, on n'entend pas la pièce. Et on a celui qui fronce ses sourcils parce qu'il n'est pas sûr de comprendre. Steven Lefrançois. Salut Steven. Salut Sébastien. Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Oui. Toi, t'es pas sorti de l'enfer des rénovations, t'es ressorti de l'enfer des pertes de courant. Perte de courant. Pendant un instant, je m'imaginais être dans I Am a Legend. Je veux dire, pas une crise de lumière dans le noir, puis j'entendais des bruits bizarres dehors. C'était pas extra. Hey, sérieux, ça devait pas être le fun. Non, vraiment parce pas. Que toi, limite... quoi, tu l'as perdu de quelle date à quelle date? On l'a perdu quand j'étais en train de travailler. Fait que ça a commencé lundi à 5h, puis on a retrouvé l'électricité mercredi à 7h30. Tabarnèche! Ouais. Écoute, à la limite, être juste tout seul, puis avec ma copine, je m'en fous. Là, je veux dire, je peux m'adapter, mais avec un enfant, c'est moins évident. Ah, man, c'est ça. Puis en plus, c'était encore frisquet, là. Ce qui fait le plus chier, c'est qu'on était parmi les derniers dans la ville à ne pas avoir encore d'électricité. Puis là, je me dis, je vais aller chez mes parents en attendant. Puis eux non plus, ils n'avaient pas parce qu'ils étaient aussi parmi les derniers dans la ville à ne pas en avoir. J'étais comme... Esti de merde. Ah, sérieux. Hey les gars, je sais pas pour vous autres, est-ce que vous avez du nouveau? Du nouveau? Hey, c'est malade. Non, mais juste avant qu'on commence le show pour vrai, je vais juste dire au monde... il se passe pas grand chose sur Fun de regarder films ces temps-ci, même que je suis même en retard sur certaines publications, mais c'est ça. Ben, moi j'ai une blonde qui s'est ramassée à l'hôpital la semaine passée, fait que mettons que j'ai été full papa cette semaine, mais là tout va mieux, c'était rien de grave. J'ai quand même fait une entrevue à Radio-Can qui est passée ce soir, dimanche 14, et on va sûrement mettre le lien sur la page Facebook, vous irez voir ça, sur les podcasts en région, parce que mine de rien, on se rend compte qu'il y a bien des podcasts au Québec, mais il n'y en a pas bien qui sont faits en région. C'est plus difficile, hein? C'est ça qui est drôle, c'est que c'est pas plus difficile. Tu sais, il y a des difficultés, mais pas tant que ça. C'est difficile quand tu veux être une gang, parce que, bon, peut-être qu'à Montréal, être une gang de crinqués, et c'est plus facile à rejoindre, tout ça. Tu sais, ton cercle d'amis qui te rejoignent, je sais pas, peut-être ça se peut. Mais tu sais, je veux dire, Jeff, à l'époque de l'université, si on avait décidé de se faire un podcast, je suis sûr qu'on aurait trouvé une gang de crinqués, là, ça aurait été facile. Oh, sûrement. C'est peut-être ça la différence aussi, c'est que j'ai remarqué que la plupart des podcasts, souvent les gens habitent dans la même ville ou comme tu dis à Montréal, fait qu'ils vont tout enregistrer dans la même pièce ou dans un studio, tandis qu'il n'y en a pas tant comme nous autres qui enregistrent soit sur Skype ou un autre programme à l'autre bout. Là. On est de plus en plus des vieux de la vieille et des dinosaures à faire ça. Honnêtement, là, parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait deux seuls podcasts ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y en a un qui... Je me souviens plus, c'est les... Je veux pas scraper leur nom, fait que je m'excuse, je me dans souviens plus de leur nom. Hein? C'est l'autre dans le reportage, là? Non, un autre, mais tu sais qu'ils sont plus actifs. Parce que sinon, c'est ça, il y a nous autres, puis il y a les Injustes, podcast qui est là depuis un an et demi, qui parle beaucoup de milieux geeks, là, qui font penser un peu peut-être aux mystérieux étonnants. Okay. Puis les autres, c'est tout du monde de la région qui là-dedans, il y a l'ancien propriétaire du... comment ça s'appelait? La boutique de bande dessinée, GF, qui était sur la racine Biz? Non, pas Biz, je me trompe. En tout cas, il y a eu une seule boutique de bande dessinée quasiment au Saguenay, puis ça a été lui le propriétaire. Fait que, mais ils sont tous rassemblés ensemble, eux autres. Fait que, ils sonnent comme un podcast de Montréal. Puis il y a nous autres qui sonnent comme un podcast de 5 ans. Mais, mais c'est ça, je pense que c'est un peu ça qui fait la magie, là, le fait qu'on est encore si loin, mais qu'on garde Steven, on s'est vu une fois 10 minutes un soir, je pense. Là, après ton premier show d'Horror Gamer, on s'est vu au podcast All Star. Tu te sentais pas à ta place pour bien. C'est la seule fois qu'on s'est vu. Eh oui, man. Puis on se connaissait pas en tout à ce temps-là, là. J'étais le petit nouveau, là, écoute. Ouais, j'étais le petit noob, là, puis je regardais tout le monde. J'étais comme, salut! Qu'est-ce que je fais ici? Je veux m'en Tu sais, puis sinon, c'est ça, Jeff, on se connaît depuis longtemps, mais si c'était pas du podcast, on se parlerait pas de vive voix bien souvent, je pense. À part pour c'est dire des niaiseries sur le groupe Messenger qu'on a. Je pense qu'on avait brisé la glace, toi puis moi, notre premier épisode sur Wargamer avec celui qu'on parlait de Nightmare City, puis je sais plus quoi d'autre, là, mais... Écoute, tout pour pas qu'on s'entende sur le premier épisode. Oui, c'est ça. Même enfant du cinéma italien, le petit Sébastien. Non, plutôt méconnaissant. En tout cas, tu sais, je connaissais pas ça. Je connaissais pas les codes du cinéma italien, je pense. C'était ça mon problème à l'époque. Mais ouais, fait que c'est ça, tu sais. Fait qu'il fait un reportage là-dessus. Écoute, j'ai parlé avec le reporter pendant 45 minutes. Il a fait une entrevue de 20 minutes avec le gars de Balado Québec. Puis il a dû en faire autant avec les gars des Injustes. Puis il fait un reportage de 3 minutes et demie. Écoute, j'écoute le podcast. Je fais comme. Le petit reportage qu'il a fait. Puis je me dis, si, malac. Il y avait tellement plus de stock que ça. Mais bon, regarde, j'imagine que maintenant, il n'y a pas le choix, là. Et c'est la beauté des podcasts, c'est que nous autres, si on décide que ça dure une heure et demie, ça durera une heure et demie. Il y avait un reportage de 6 minutes sur les rameaux, fait que c'est le plus important. Oui, le dimanche des rameaux, c'est le plus important. Mais regarde, pas avoir de restrictions, c'est vraiment ça le plus fun. Ben oui, écoutez, là, tu sais, je trippe vraiment à faire la radio énergie, là, je checkais, là, ça fait déjà au-dessus de 2 mois que je le fais, là. Je trippe comme un fou, là, mais tu sais, le 6 minutes de restriction, il n'est pas toujours évident, là. Je pense qu'à ta place, puis I guess que tu n'as peut-être pas toujours l'opportunité, mais je choisirais des films qui s'adaptent vraiment bien pour ça. Puis il y en a d'autres, je sais que je pourrais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Choisir des films que c'est plus facile et adéquat de critiquer en 6 minutes que genre, d'autres. Tu parlais pas de Mother. Non. Je vais vous parler de Mother en 6 minutes, je vous résume ça, vous allez voir, ça va être mais ouais, non, je te comprends. Mais tu sais, souvent, c'est que je le sais le jeudi avant d'aller voir le film. Ben, tu sais, j'écoute le film le jeudi puis j'en parle le vendredi matin. Fait que tu sais, j'ai plus bien de recul après ça. Puis, ouais. Non, sauf que là, ce qu'on a convenu cette semaine, c'est que je ferais plus de programme double. Parler de 2 films dans 6 minutes, c'est 3/4. Surtout que, tu sais, on est rendu que je suis assez à l'aise avec la gang pour qu'on finisse par des fois juste déborder puis dire des niaiseries, là. Tu sais, quand j'ai dit la semaine passée à la fille que elle pensait que sur l'affiche de Pet Sematary, c'était un loup. Puis que j'ai dit non, c'est un chat, mais c'est correct, moi aussi, j'apprends à ma petite fille à différencier les animaux. Tu sais, je veux dire, ça a été drôle, là. Elle s'est fait écœurer, mais en bout de ligne, c'est 30 secondes de mon 6 minutes qui vient de passer sur un gag. J'étais comme, oh shit, ok. Hey, on va se dépêcher. Faut aussi que je parle de Shazam. Tu sais, je parlais de Pet Sematary, de Shazam, puis je venais de faire un gag qui m'avait pris 30 secondes. Mais c'est qu'est-ce ça. Qu'est-ce que tu es content? Mais c'est ça, mais tu sais, écoute, c'est ça, les limitations sont toujours... C'est pas évident, là. Surtout que, tu sais, on s'entend, là, je pense que... On est rendu du monde qu'on est bon pour communiquer, t'sais, à force de faire du podcast. Mais, t'sais, quand je les vois à radio, là, ils sont d'une autre ligue. Là, t'sais. Réussir à communiquer rapidement, puis sans répétition, puis de façon super concise, ce que tu veux dire. Là. En direct? En direct. Est-ce que c'est pas la même chose? C'est pas la même chose qu'être en direct sur le net. Là. C'est, non, c'est ça. D'ailleurs, salut à ceux qui sont en direct et qui nous écoutent avec nous, qui ont décidé de laisser faire Game of Thrones, puis se sont dit que 3 gars devant un micro, c'était bien plus intéressant que... Comment tu dis ça, Steven? Que... C'est plus intéressant que... Une fille tenue sur un dragon, c'est ça. elle doit même plus être tenue. Je pense que l'actrice, je me souviens pas de son nom, là. Je sais pas... C'est... Tu sais, j'ai jamais écouté ça Game of Thrones, mais c'est le running gag que je voyais tout le temps revenir avec des gifs. Ouais, fait non, c'est ça. Le pire, c'est que cette actrice-là, vraiment, Manu, elle a fait « Ok, regarde, ça va faire, là. Je suis tanné d'être à poil. Je pense que j'ai donné. » Puis je pense que ça fait 2 ou 3 saisons que c'est fini, là. Mais tu sais, écoute, le premier épisode, je pense que tu la voyais 3 fois quasiment dans le premier épisode. J'exagère, mais tu sais, je veux dire, Manu, c'est bien beau. Là. Okay, ben, vous m'avez vu tout. Hein? Toi, tu l'as écouté. J'ai écouté les 4 premières saisons. J'avais commencé à la 5e. Puis, j'ai écouté avec ma blonde. Ma blonde tripait pas. Non, elle aimait ça, mais elle tripait pas tant que moi. Puis, maintenant, on l'a laissé de côté pendant un petit bout. Puis là, on a fait, si on veut se retaper Game of Thrones, il faut qu'on se retape au moins une saison au complet. Parce que je comprends plus ce qu'on en est rendu. C'est tellement chargé, là. ça m'intéressait plus ou moins, mais tu sais, je regarde le hype, puis je vois un peu aussi que ça s'enligne avec la nouvelle saison. Puis je suis comme, j'ai quasiment envie d'avoir déjà vu les autres saisons pour suivre un peu les gens. Ça a l'air big. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a ça, par exemple, que je me dis, là, j'aimerais ça être dans le hype. Là, je vois le monde à la job qui en parle à fond, puis tout ça. Puis ça me fait penser un peu à Breaking Bad qu'on était rendu à la dernière saison. Là. Ouais. C'était le hype, là, il était gigantesque. Mais j'écoute, je me souviens pas c'est quoi la dernière série que j'ai écoutée, que j'ai suivi live, mais que tu sais, il y avait le hype comme ça. Là. Ouais. Toi, JF, tu sais, je veux dire, t'écoutes pas mal de séries, mais il y en a une là, que tu sais, ça faisait le buzz, puis qu'il y avait le hype que tout le monde suivait à chaque semaine. Puis peut-être la troisième saison de Twin Peaks. Ouais, sûrement. Que moi, j'écoutais, tu vois. Ouais, c'était en direct. Ouais, oui. Ouais. Mais sinon, répète ta question, hein, c'est quoi? Bon, mais tu sais, toi, t'écoutes beaucoup de séries. C'est quoi la dernière série que t'as écoutée, que tu l'écoutais live pendant le gros hype, là? Parce que, tu sais, chaque semaine, après ça, tout le monde allait écrire des trucs sur le net, puis tout ça. Là. Je pense que t'as donné le meilleur exemple avec Twin Peaks, sérieusement. Moi, j'avais envie de dire Sharp Object, ça n'est pas assez aussi. Ah ouais? Ouais. Ça faisait le gros... Il y avait un bon buzz. Ah oui, ben c'est Jean-Marc Vallée, puis j'ai aimé la face de Seb, genre, c'est quoi cette série-là? Ouais, il a déjà parlé. Mais non, mais c'est ce que je veux dire. Moi, quand tu en as parlé, je ne le savais pas encore. Tu vois Rico Ducharme qui dit Unité 9. Ouais, j'avoue qu'Unité 9, ça faisait le buzz pas mal. District 31. District 31, en effet. Ouais, tu l'écoutes live, District 31? Ah oui. Bon, regarde. Passe partout. C'est ça. Passe partout. C'est débile. Ouais, tous les semaines. Si, je me demande quand est-ce que Passe Montagne, il va perdre son papillon. On dit ça en les ans, mais honnêtement, c'est vraiment bon. Ah non, je les adore. C'est vraiment une réussite, je trouve. Hey, salut Marie-Ève Lavoie qui nous écoute live. Mais non, écoute, mais je les adore, les nouveaux passe-partout, là. Je les aime d'amour. Puis c'est drôle parce que Elliot, chez nous, on a les vieux en DVD, puis il y a les nouveaux. Puis je pense que j'ai peut-être déjà compté. En tout cas, peu importe. C'est que des fois, je fais Elliot, on écoute un petit passe-partout. Tu sais, c'est son temps d'écran, puis des fois, je fais comme, hey, on peut-tu pas écouter un Super Wing ou un Rescue Bot ou un Pat Patrouille? Je fais, on pourrait-tu écouter un passe-partout? Ah oui! Puis là, il s'en va voir les DVD. Je fais comme, non, pas les DVD, on va écouter les nouveaux. Puis il fait, non, je veux choisir mon passe-partout. Je fais, OK, on va écouter un vieux, je les connais par cœur. Tu sais, je peux même pas profiter des nouveaux. Elliot préfère écouter les vieux. c'est lui qui a peur du changement. Mais non, c'est ça, c'est lui que quand... lui, il va être hipster, là, quand il va être plus vieux. Hey, tu te rappelles, tu passes partout? Oh, moi, Passe-Partout. J'écoutais les anciens, moi. Il va être en première année, puis il va déjà dire aux autres qu'ils sont has-been. Ouais, Passe-Partout. C'est bien meilleur dans le temps de mes parents. J'avais pas ça, les iPads, puis toutes ces cochonneries-là. Non, Passe-Partout, c'est une marionnette direct dans la TV. Oh, God. Puis Zigzag, c'était un dessin, puis il bougeait pas beaucoup. il y a Dave Valley sur le chat qui dit « J'espère qu'il va y avoir plus de nudité ici que dans Game of Thrones. » Ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. On a juste une consommation. La photo de Sébastien en Wolf Cup, mais c'était du génie. Puis tu vois, JF a baissé un petit peu sa cam. Il nous a, il en dévoile de plus en plus. Ouais. Il est juste 9h30, on a peut-être juste une bière de prix. Ça devrait se passer, ça devrait pouvoir se faire. Hey, on incruste-tu un petit 2 minutes sur le sujet du moment cliché que tout le monde a parlé puis qu'on va juste suivre la masse, mais la bande-annonce du nouveau Star Wars. Oh God, mais... J'aime la phase de JF parce que, tu sais, je sais que JF suit aussi ça, fait que... Ben, j'ai juste écouté une fois, c'était intriguant, ça a l'air le fun, puis j'ai hâte de voir le film, c'est tout. Moi, j'ai suivi la conférence avec Marc-Antoine en direct. Je me disais, bon, la bande-annonce doit être à veille d'arriver. C'était terminable, cette conférence. C'est vraiment pour geeker, puis c'est vraiment fait pour les geeks purs, parce que il agace avec des photos, puis vraiment, il essaie de faire saliver, puis je suis comme, OK, non, mais... Ouais, mais il était sûrement là pour parler aussi du nouveau channel de Disney, là. Ben, de ce que j'ai vu, il en parlait pas tant. Non. Alors moi, j'ai loupé cette partie-là, mais c'était vraiment des questions avec les acteurs de Star Wars qui venaient sur scène. Le réalisateur J.J. Abrams était là, puis il posait des questions, mais c'était tout le temps ambigu parce que J.J. Abrams avait juste pas le droit de rien dire. Fait que je sais vraiment qu'il... Je pensais que t'allais dire, parce que c'était un peu ambigu, parce que J.J. Abrams, il met des énigmes dans ses affaires, puis il répond jamais. Ah, des easter eggs partout. Mais non, sérieux, moi, je l'ai écouté. Ben là, t'as peu, là. Si on se met, au diapason. Épisode 8, Steven, t'en avais pensé quoi? Moi, c'est un des meilleurs de la série, je trouve, épisode 8, puis je sais que ça fait beaucoup diviser. JF? Je l'ai beaucoup aimé aussi, moi, le 8. Moi, je l'ai détesté. Alors... Fuck you! Je t'ai détesté! Mais non, non, j'ai pas aimé épisode 8. C'est vraiment la première fois que j'ai écouté un Star Wars puis que j'étais comme oh my god. Mais garde, c'est correct. C'est moi le pire dans l'histoire. Là. Je me dis, j'aimerais tellement mieux pouvoir l'aimer. Mais non, j'avais pas aimé ça. Laisse-toi du temps. Tu vas peut-être plus l'aimer plus tard peut-être si tu le revois. Peut-être avec ma blonde un moment donné. Elle l'avait pas vu. Sachant où est-ce que ça s'en va aussi, de, peut-être que ça aille. Mais ouais, c'est ça, à cause que l'épisode 8 m'avait refroidi, tu sais, j'écoutais la bande-annonce du 9 avec pas vraiment d'intérêt. Et, les deux dernières secondes ont suscité mon intérêt, ainsi que le titre du film. C'est ce que ça m'a donné le goût. Vous autres? Moi, je suis resté sur ma faim. Parce qu'il y a beaucoup de fanservice, je trouve. Ça reste dans un teaser. C'est un teaser, mais je trouve que c'est un teaser qui fait beaucoup du fanservice pour essayer de rechercher le monde qui était frustré par rapport à l'épisode 8, qui a pris des risques, qui a osé amener des choses ailleurs, ce qui a fait chier les fans. Puis j'ai l'impression qu'avec ce teaser-là, on revient vers de quoi de plus confortable dans ses pantoufles. Puis je suis comme, ben, j'aimais bien les prises de risque de l'épisode 8. Fait que je sais pas, à date, je suis semi-convaincu par le. Ah ben non, tu sais, j'avais pas la gueule ouverte. Tandis que quand j'ai vu le teaser de l'épisode 8, visuellement, j'étais comme, c'est rafraîchissant. Je trouvais que ça proposait des idées visuelles. Puis ça avait vraiment l'air d'aller vers quelque part où j'avais aucune idée. Puis là, je regarde cela, puis j'ai l'impression de savoir dans quelle direction ça s'en va un peu. Écoute, là, il n'y a aucune surprise dans ce teaser-là. Non, vraiment pas. À part, comme je disais, les deux dernières secondes. Toi, JF? Ça ressemble pas mal à Steven, je pense que j'ai... C'est ça. C'est ça ressemble beaucoup quand même au septième film. Je trouve les images qu'on voit, puis tout, c'est les mêmes genres de... C'est Rey est sur la même genre de planète, même genre de désert, puis t'as Kylo Ren qui se bat dans une forêt qui ressemble à la fin du... Vraiment, j'étais comme... C'est pas une séquence du 7, ça? C'est vraiment débile. T'sais, puis c'est le fun de voir Lando, mais t'sais, on commence à être habitué de revoir les vieux tout le temps. Là, ouais, c'est plus une surprise. Là. T'es comme, ah, ouais, il manquait juste Lando à ressortir. Hein. T'sais, surtout que l'épisode 8, comme l'intention de délaisser les vieux, puis de s'en aller vers la nouvelle direction pour laisser comme des nouveaux personnages, tout ça. Puis là, tu regardes ça, puis c'est comme, OK, on ramène encore des vieux, puis ça, c'est comme, couper le cordon, tu sais, c'est comme... Moi, je pense que c'est ce qui me gosse le plus de cette nouvelle trilogie-là, c'est qu'elle n'est pas capable d'être elle-même sans tout le temps vouloir faire référence aux anciens. Ouais. Tu sais. Puis regarde, ils vont jusqu'à faire référence aux anciens dans le titre du film. Là, tu sais, on peut plus être... Tu sais, tu parlais de couper le cordon, là, oublie ça, le cordon, il est solide en salle. Moi, c'est un titre qui me fait extrêmement peur. Ça m'a quasiment frustré parce que, comme je disais, l'épisode 8 a joué sur nos ententes, puis quand ça a été dans la direction de savoir qui sont réellement les parents de Rey, la réponse a déçu plusieurs personnes, et moi, j'ai, contrairement aux autres, été très satisfait, puis j'ai l'impression qu'avec le titre de ce volet-là, puis où c'est que ça va s'en aller... Je pense qu'on va donner une autre réponse à ça, puis ça va me faire chier si c'est la réponse que je pense. Fait que tu penses qu'on va apprendre que finalement, elle est la fille de Skywalker? Ben, qui est reliée à tout ça, que c'est la fille d'Han Solo, peu importe. Là, de quoi de même? Là, ça me tente pas. C'est mauvais. Ouais, mais attends un peu. Rise of the Skywalker, là. Ben Solo, c'est le fils de Leia? Mm-hmm. Ouais. Bon, ben, c'est un Skywalker, lui. Ouais. Bon, correct. Moi, c'est vraiment Rey. Hein? Ouais. C'est vraiment Rey. Peut-être pas, peut-être c'est lui. Quoi, il va devenir gentil, puis ça va finir autour d'un feu de camp avec les. Il va devenir gentil quand l'empereur va revenir, puis ils vont l'anéantir. Parce moi, j'aime bien. C'est le rire de l'empereur. Non, non, c'est le rire de Jar Jar Binks. Calice. Ça serait vraiment la pire merde à ramener. Ça serait le meilleur twist ever. Rise of the Jar Jar. Oh god. Mais non, c'est ça, écoute. Là, c'est là que je me dis, ça, si on écoutait un podcast vraiment geek, là, mettons justement les injustes comme on parlait tantôt, là, cette discussion-là serait tellement plus analytique de tout ça. Mais moi, moi, je suis comme, ben, je l'écoute, puis je me dis, ben, écoute, je vais aller le voir, mais j'ai pas... Le poil m'a pas levé ses bras, là, tu sais. Oui, la passe cool de Ray qui saute par-dessus un... Je sais pas très cool quel vaisseau, mais t'es comme, bah, tu sais. Je sais pas, il y a aucun plan qui m'a marqué. Non, non, tu sais, écoute, dans la, tu as raison, là, dans le teaser du 8, là, les gens de... C'était-tu les TIE Fighters ou je sais pas trop quoi, là, ouais, qui rasaient? Ouais, c'était avec l'espèce de boucan sable rouge. Sable rouge, j'étais écœurant, là, je trippais, là. C'est fou, là, tu sais. Non, non, on a rien de ça dans le 9, là, tu sais. Puis il y a bien dans Rogue One, tu sais, de voir je me rappelle jamais, là, mais tu sais, dans des situations beaucoup plus style film de guerre, c'est... Ouais, ça avait c'est un autre. Voir, là, un autre point qui avait beaucoup plus attiré mon attention. Que... Mais non, celle-là, c'est un gros teaser, comme tu dis, fan service. Mais c'est encore un teaser. Ah oui, c'était encore un teaser, puis moi, je suis quand même quelqu'un qui a quand même pas mal aimé le 7e, puis j'ai adoré le 8e, fait que tu sais, il n'y a aucune raison pour que je ne sois pas excité ou que j'aime pas la conclusion, mais on verra bien ce que ça va donner. Puis, sinon, ben, Avengers dans 2 semaines. Mais je sais que toi, Steven, t'as aucun intérêt. Toi, JF. J'ai décroché, ça fait longtemps. C'est pas pour moi. Moi, j'ai pas le choix de raccrocher. Mais, parce qu'évidemment, il va falloir que j'en parle à la radio. Mais, c'est ça. J'ai même pas regardé la bande-annonce parce que j'ai pas encore vu Infinity War, puis je me dis, je veux pas me faire spoiler des affaires, même si ça devient difficile en tabarnak. Je suis comme à 2 semaines de Endgame, les spoilers sont partout, c'est ça. T'es fait. Non, c'est ça. Puis il y a Dave Valley qui dit, Steven, ton préféré c'est le 8e, mais es-tu un grand fan de Star Wars? Ben, quand même, oui. Je veux dire, la trilogie originale a bercé mon enfance, puis j'ai été voir l'épisode 1, 2, 3 au cinéma. Fait que, oui, je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup Star Wars, mais j'ai pas spécifié que le 8e était mon préféré de toute la série, mais c'est pas loin d'être un de mes préférés de toute la série. Je pense que ce serait juste trop cliché de dire qu'Empire Strike Back est celui que je préfère. Je veux dire, c'est pas mal ça pour 90% des fans de Star Wars, là. Mm-hmm, mm-hmm. Ben, moi, je te dirais que c'est le retour du Jedi juste parce que c'est le premier que j'ai vu. Parce que mon oncle était fan de Star Wars quand j'étais jeune, puis un moment donné, je suis arrivé chez ma grand-mère, il habitait encore chez ma grand-mère, puis là, il écoutait ça sur la TV. Puis j'étais comme, c'est quoi ça? Ça fait peur un peu. Je trippais, mais tu sais, je connaissais rien de rien, là, fait que tu sais, j'écoutais ça, puis je comprenais pas ce qui se passait, mais je trippais bien gros à voir les bébites. Ça fait une différence de voir tel volet en premier, même si, admettons, c'est un des volets les moins appréciés. Vu que tu l'as vu en premier, toi, ça peut créer une connexion. Ah, vraiment, vraiment. Dramatique. Puis, tu sais, je comprenais pas c'était qui, tous les personnages. Oh, tu devais être mêlé. Tu sais, puis quand j'ai réécouté après ça les autres, j'ai fait, pourquoi que dans le 4 puis dans le 5, on voit pas l'Empereur? Pour moi, l'Empereur, c'est un personnage qui était dedans tout le temps. Rico Ducharme, il dit Disney va acheter Star Trek, puis Léa va quitter Solo pour Spock. Pourquoi pas? Why not? Tout est possible maintenant. Parce que Disney va... D'ailleurs, avez-vous reçu l'offre d'achat de Disney pour nous autres? Non? Non. OK, je l'attends. J'espère qu'un jour, on va l'avoir. Ça s'en vient. On devrait être sur Disney Plus bientôt. Tout ce que vous avez à faire, c'est le 7$ mensuel américain pour Disney+. Vous nous l'envoyez sur notre Patreon. Pff, on va s'arranger. C'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Tout à fait logique. Criterion, on va aller payer ça. Oui, d'ailleurs, oui, le nouveau service de ce Criterion, avez-vous checké un peu? Ben, oui. C'est con, hein? Moi, j'ai eu ça la journée... que j'ai perdu l'électricité, j'étais en beau maudit. Oh, mais écoute, j'ai zioté quand même un peu avec mon cellulaire, puis c'est écœurant. Je veux dire, pour n'importe quel amoureux du cinéma, je veux dire, c'est une des meilleures plateformes qu'on a en ce moment. Là. C'est sûr. À l'époque que j'étais étudiant en cinéma, j'aurais capoté avoir accès à tout ça à même plan. Man, c'est débile. C'est malade. Débile. Là, écoute, là, tu sais, le nombre de films qu'on se faisait parler par nos profs qui n'étaient pas... c'est pas trouvable. Là. Ben, que genre, il y en avait une copie aux premières vidéos de Chicoutimi. Là, parce que les autres, TV, je pitonne un peu, j'ai accès à tout ça. C'est plein de Bergman, puis de c'est ça, Michael Powell, puis Truffaut, puis tout. Akira Kurosawa, je sais que t'es pas forcément un fan de cinéma japonais, mais je veux dire, Crime, c'est ça coûtait cher, là, si tu voulais voir du Kurosawa. Là, je veux dire, c'était pas super accessible. Il y a une collection de films noirs aussi que je veux explorer un moment donné. Je me suis pas encore pris l'abonnement. Je suis comme... Je suis comme overloadé, là. Je me suis dit, même si je le paye, ça n'a pas de rapport. Là. Je vois pas comment. J'ai le mois gratuit, parce que je suis abonné depuis genre le mois de février. Là, depuis, Puis, ils ont-tu leur sélection de Chaplin qui est en Blu-ray? J'en ai vu quelques-uns de Chaplin. Depuis. Il y a Gold Rush. Ça, c'est... Mais je pense que c'est ça que j'ai vu, mais il faudrait que je... Mais faut du fouille. Parce que la manière que c'est fait, l'application, c'est pas super pour trouver les films. Ils ont sorti une page sur leur site parce que tu peux tous les trouver dans l'alphabétique. Faudrait que je retrouve le lien quelque part. Parce que si tu cliques sur liste complète, t'auras pareil pas tous les films. Vraiment, t'as marqué... des fois, c'est pratiquement mieux de marquer le nom du réalisateur, puis là, tu vas vraiment avoir la plupart des films. Ils n'ont sorti une sur... Mais Chaplin, il y en avait une coupe, mais semble que je l'ai vu. J'ai vu une copie des gros classiques, là, The Kid, puis tout ça. Là. Ouais, c'est cool. Et ils ont des courts-métrages aussi de Chaplin. Ouais, c'est vrai. Ça. Ah, c'est hot parce que. Ils ont mis beaucoup de spéciaux qu'on a retrouvés sur les Blu-ray. Fait t'as des interviews, des making-of. Ouais, ils ont mis leur bonus, sont-ils aussi. Ouais. Parce que c'était quand même ça la force de les éditions physiques. Là. Ouais, puis ça, c'est le transfert. Qui... Ouais. Oui, le transfert, mais là, le transfert là-dessus, il va être bon déjà là, sur la plateforme en ligne. Oui, mais ça va être la même chose. C'est exemple, j'ai pas eu la chance d'acheter le Night of the Living Dead de Criterion, mais j'ai vérifié vite, puis c'est celui-là avec le nouveau transfert 4K, puis waouh! Caroline, vous me donnez le goût en salle. Puis c'est ça, il y a plusieurs films de David Lynch. Là. Il y a Eraserhead, il y a Mulholland Drive, il y a Elephant Man. Les Before Sunrise. Les Before Sunrise sont là? Je les ai pas vus. Ah ouais, ok. Écoute, là, c'est parce que rendu là, c'est parce que je me dis pourquoi tu veux avoir Netflix si t'as cette sélection-là. C'est ça qui est traître, c'est parce que Netflix, maintenant, plus ça va, plus sont vraiment des maîtres dans l'art de distribuer des films exclusifs des pays d'un peu partout. Tu sais, Indonésie, tout ça, puis c'est tout eux qui ont des gros noms. Fait que je peux pas m'enlever ça. Tu sais, dans quoi, 2 mois, c'est le nouveau Martin Scorsese? C'est comme je vois là. Je vais la regretter. C'est vrai. Je vais avoir ça, voyons donc. Il faut que tu trouves des compromis. T'sais, exemple, ce que je fais avec Marc-Antoine, lui, il va annuler probablement son Netflix. J'y donne accès à mon compte, puis lui, il me donne accès à Criterion. Fait que, c'est ça que je devrais faire. Je devrais faire avec un de mes amis. En plus, un de mes amis, sa blonde va coucher bientôt. Là, il va rien qu'avoir ça à faire, écouter des films. C'est bon. C'est une grande enfant. Je peux te dire, le Chaplin, là, ils ont Sunnyside, ça c'est un court-métrage. Les temps modernes, Limelight, Monsieur Verdoux, City Lights, The Circus, Woman of Paris, The Gold Rush, The Kid, et après ça d'autres courts-métrages. Ben écoute, je te dirais, Dictator n'est pas là? Oui, il est là, je viens de le voir. C'est pas mal ce qu'ils ont en DVD Blu-ray. Là. Dave Valley qui demande, j'espère qu'il va y avoir des Godzilla sur le channel. Ben exactement, Dave, il y a plusieurs Godzilla. Fait que c'est vraiment net. Ah, God, voyons donc. C'est débile. Il y a vraiment de tout. Là. Ouais, c'est ça qui est fort. Là. Sans compter qu'ils vont en rajouter constamment. La seule affaire que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'apparemment, ça va faire comme Netflix. Il y a des titres qui vont s'en aller, d'autres qui vont s'ajouter. Ça m'écœure un petit peu. Écoute. Puis je suis curieux de voir si. Leurs nouvelles sorties Blu-ray vont suivre, peut-être avec les sorties de Channel. Ouais, c'est là qu'on va voir un peu le délai entre les deux. Là. Ouais. Parce que, veux pas, ils peuvent pas y sortir en même temps parce qu'ils feront plus d'argent avec le physique. Là. Mais je vois un autre avantage parce que, je sais pas si c'est en lien à cause de la plateforme, mais depuis un certain temps, il y a plusieurs Criterion sur Amazon qui sont vraiment à des prix abordables à 26$. Les titres qui vaut normalement 45. Fait. C'est sûr, parce que là, les critériums ont perdu de la valeur. Là. Ceux-là qu'on a présentement. Là. Moi, je vais être content. Je vais me l'acheter à ce prix-là, c'est sûr. C'est sûr. Hey, salut Kim qui vient de se joindre à nous. Hey, c'est fun, il y a vraiment plein de monde qui se sont joints à nous ce soir. Il dit, Dave Valley qui dit, tu vas me faire fuir de votre live, là. Il s'en va écouter du Godzilla, lui. T'es un gros fan de Godzilla, Dave. C'est nice, ça. tu dois attendre le prochain qui... King of Monsters. Chaque image, c'est de la bombe. Écoute, je sais pas ça fait combien de fois que je le vois au cinéma, puis je ferme mes yeux rendu à un certain moment, parce que je fais comme, j'en vois trop, faut plus que je regarde. Ça n'a pas de bon sens. Avoir pris Dougherty pour faire ce film-là, je pense que c'était le meilleur candidat. Ce gars-là, il a saisi exactement comment faire un Godzilla. Il a de l'air d'avoir tout pitché ce qu'il pouvait pitcher. J'espère juste que ce sera pas juste trop, soit trop bordélique ou soit genre tout arrive trop vite là. Moi je pense qu'il faut juste s'attendre à un Kong Skull Island. Ouais. Puis si c'est ça, je vais être bien content parce que j'ai eu du gros fun. Mais pour l'instant, les bandes annonces pointent pas vers ça, c'est ça le problème. Ben, ça semble suffisamment généreux. Je sais pas, ça. Tu sais, je veux dire, Kong, c'était très pété visuellement, puis c'était du gros blockbuster, puis. Les dernières images ou les TV spots, tu vois, du dernier Godzilla, ça s'enligne quand même vers ça, gros Monster Brawl. OK, parce que ça a aussi l'air d'avoir beaucoup la touche dramatique, émotive, là, avec la fille qui joue dans Stranger Things. Ouais. Mais on sait que le réalisateur est très doué pour mêler vraiment divertissement à popcorn, puis personnage avec de la profondeur. Tu sais, je veux dire, dans Krampus, il y avait un équilibre. Fait que je pense que s'il fait ça avec Godzilla, écoute, ça va être la série sur le gâteau, là, avoir des personnages qu'on aime en plus, puis pas juste des monstres. Là. Écoute, ça, là, c'est ça, ça le fun. Vraiment. Kim a dit « J'aime le fuck Game of Thrones ». Ben, écoute, c'est la bonne place. Si t'as le goût de faire fuck Game of Thrones, c'est vraiment la meilleure place. On en a parlé pendant 2 minutes, puis c'est fini. Là. Comment tu fuck Game of Thrones? Où c'est que c'est supposé être? Ah, quand j'ai partagé la publication, c'est genre fuck Game of Thrones, nous autres, on est live. Hey, les gars, on a-tu des films à jaser? Mais tu sais, en même temps, c'est cool, là. On jase de n'importe quoi, puis c'est bien correct, c'est ça le but du film. Film. Ça va donner de la viande dans l'épisode parce que j'ai pas grand-chose, moi. C'est bien correct. Je vous quitte 30 secondes. Je vous laisse commencer, Jeff. D'accord. Je te laisse. Okay. Vas-y. C'est beau. C'est capable. Beau. D'accord. J'attends que tu parles. Non, on ne veut pas que tu sois là. Non, c'est ça. Bon, maintenant, on peut parler de Game of Thrones. On écoute dans le direct le matin. On est deux gros fans, finalement. On est tout à jour. Pascal Jacob qui est comme Steven Petit, on enregistre l'épisode demain sur séance, Pascal. Fait que tu vas devoir patienter un petit peu. Désolé. Fait que finalement, j'ai vu mes premiers films de 2019 cette semaine. Ah, c'est vrai, tu me dis ça, toi. Puis j'ai commencé avec un grand, grand film mercredi. C'est sur Netflix. J'ai fait, c'est que je regarde. J'ai fini par regarder un film que je voulais voir depuis quoi, ça fait 3 ans que c'est sorti, The Fifth Wave. Mon premier film de 2019. Tu choisis les choses en grand, vraiment. Le gars, j'écoute aucun film à date en 2019, puis là, j'y vais avec The Fifth Wave. C'est ça. Ben, je me rappelais de la bande-annonce. Je ne l'ai pas réécouté depuis 2016. Je me rappelais juste de l'avoir vu au cinéma un moment donné, puis j'ai fait « Ah, ça m'intrigue ». Mais finalement, je n'ai jamais vu le film jusqu'à cette semaine. Okay. Puis ben, ça m'a laissé sous ma faim. Ça semblait être ça un peu. Je ne l'ai pas vu, mais... J'avais l'impression que la bande-annonce dévoilait pas mal tout ce que le film avait à offrir. Puis... Ouais, puis tu sais, c'est ça. Chloé Grace Moretz, ben, moi, elle m'a plus vraiment impressionné depuis le premier Kick-Ass. Là. Ça a été comme son top, puis elle n'a jamais eu d'autres moments si forts que ça là, pour moi. Là. L'année passée, elle joue dans un film où que ses parents l'envoient dans une espèce de camp. Oui. La faire convertir et puis être homosexuel. Apparemment, qu'il est vraiment écœurante là-dedans. OK. Parce que dans Fifth Wave, je trouvais que c'était. Cool. C'est ça, je suis en train de dire que j'ai vu. Parce que Seb est de retour, pour ceux qui nous écoutent, c'est juste l'audio. Je suis en train de dire que j'ai vu mon premier film de 2019 et que c'est The Fifth Wave que j'ai vu sur Netflix. The Fifth Wave? Avec Chloé Grace Moretz, un film catastrophe. Un espèce de mix entre film de catastrophe de Roland Emmerich puis Évasion of Body Snatcher. Ouais. Ben, ça me laisse un peu sous ma faim. C'est slow, c'est lent. Puis je trouve que Chloé n'a pas tout à fait le talent pour porter ce film-là. Je trouve, comme je disais, moi, depuis Kick-Ass, ça ne m'a pas vraiment réimpressionné depuis ce temps-là. Puis, depuis quoi, excuse? Kick-Ass. Ouais, OK. Premier Kick-Ass. J'ai pas vu le deuxième. puis j'ai pas vu Carrie. Il y a plein de films que j'ai pas vu avec elle. C'est correct, mais... Carrie, c'est pas ça qui va te la remettre dans tes bonnes grâces. Ça m'a quand même intrigué de peut-être un jour lire les livres, parce que c'était inspiré d'une trilogie de livres, puis je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire avec les films, mais comme ça n'a pas eu de succès, bien, probablement qu'il n'y aura jamais le film 2 puis 3, là, mais... c'est beaucoup plus une histoire de paranoïa, en fait. Il n'y a pas tant d'effets spéciaux, il n'y a pas tant d'action. Ce n'est vraiment des conversations, des petites situations entre deux, trois personnages qu'il faut qu'ils apprennent à se faire confiance, ou si tu es un traître, tu es une bonne personne. C'est souvent ça tout le long du film. Mais on n'est pas dans la paranoïa de l'invasion des profanateurs. Ce n'est pas aussi bien fait, bien maîtrisé. Là, c'est plus un film pour ados avec des effets spéciaux. Ça fait film pour ados, mais dans le genre film pour ados, science-fiction, j'ai 100 fois plus aimé, mettons, il y a plusieurs années, The Maze Runner. Ça, t'avais écouté ça, The Maze Runner? J'avais pogné vite, j'ai jamais... J'ai pas vu les autres, je pense qu'il y en a deux autres, mais j'ai pas vu... Mais le premier, j'avais beaucoup aimé, t'sais. C'est pas le même genre, je veux juste dire que dans le genre ado, film de science-fiction d'ado, j'avais trouvé ça meilleur, mais c'est pas le même genre d'histoire. Là, oui, ça a juste l'air vraiment d'un produit formaté, typique, là, sans âme. Ouais, puis c'est ça. Si tu l'expliquais tantôt, réexplique-le pas, là, mais... J'ai pas expliqué. Pourquoi Fifth Wave? Ça m'intriguait. J'ai expliqué tantôt que j'ai vu l'annonce au cinéma il y a 3 ans. Peut-être. Ça m'a toujours intrigué, mais j'ai juste jamais pris le temps de le regarder. Ça a été diventé le dernier film des frères Duplass, qui est en exclusivité, puis il regarde Fifth Wave. Tu sais, il est sur Netflix, ça fait... C'est son premier... On est en avril, là. Il se dit, tiens, regarde, je vais écouter Fifth Wave. Ma watchlist n'est pas déjà assez grosse. Je vais aller... M'aller cocher le film que il est plus facile à cocher possible. Je sais un petit peu pourquoi. C'est... En tout cas, j'ai tant voulu, moi, un cinéma maison. Puis là, on est rendu qu'un beau sous-sol avec une belle grosse télé. Puis je me suis acheté une barre de son que tu prends les deux petits haut-parleurs détachables au bout. Puis tu veux te faire un cinéma ma maison. Puis je me suis dit, je voulais écouter un film de science-fiction. Je voulais écouter un film. Ça pète un peu. T'sais. Mais finalement, c'est pas si le fun que ça pour ça. T'sais, c'est un film bien ordinaire où il n'y a pas de temps d'effets spéciaux. Sur ton cinéma maison, c'était-tu cool? C'est ça que je dis, mais c'est pas. Il n'y a pas tant d'action que ça. On est plus dans les petits films intimistes. T'sais. Mais écoute, ça, JF, pour moi aussi être depuis quelques mois quelqu'un qui a un cinéma maison et qui en a toujours voulu un. T'es pas obligé d'aller chercher le gros film, JF. Écoute, j'ai écouté. C'est quoi qu'on avait parlé l'autre fois? C'était. Voyons, film avec Lady Gaga, Carolis. A Star is Born. A Star is Born, merci. Simonac. J'ai écouté A Star is Born, puis juste le fait que quand il est live en show, que la foule vienne de partout autour de moi, je trippais déjà. Fait. Des shows, j'en ai plein sur Blu-ray puis DVD, puis ça, je les écoute, puis j'ai du fun au bout avec ça. Je suis à jour dans. Pas tout à fait à jour, mais presque à jour dans Star Trek Discovery, la nouvelle saison, puis ça, c'est le fun aussi. Il y a plein d'actions, plein d'affects qui se passent. C'est trippant en 5.1. Mais... Non, c'était juste pour ça. C'était juste pour avoir un film d'extraterrestre qui envahisse la Terre. Mais finalement, il ne se passe pas grand-chose. Que... Dommage. Ouais. Bon, ben écoutez, moi, j'ai parlant d'extraterrestres qui essayent d'envahir la Terre, puis de cinéma maison, j'ai écouté Bumblebee. Ah, on est ailleurs. Quoi, Steven? Ben écoute, je parle tellement pas de grand chose que c'est un des rares que je vais parler, fait qu'on va en parler peut-être à deux. Ah oui, Bumblebee, qui est un reboot de la... Spin-off. Spin-off, reboot. Ben non, reboot. Son... Okay, je veux dire... que ça commence avant. Ouais, mais ben, écoute, je sais pas s'ils ont l'intention de connecter ça avec les anciens films, mais on est ailleurs quand même, on est quand même ailleurs. Ben, ça l'est déjà, je veux dire, à la fin, il se transforme en la fameuse Camaro que... Ouais, ah, ouais, c'est... Je sais pas, je l'ai perçu. Ouais, mais c'est pas ça, en tout cas. Je sais ce que tu veux dire, de toute façon. Ouais, c'est ça. parce que, c'est ça, Bumblebee, bon, évidemment, c'est la franchise Transformers, c'est le Transformer jaune qui ne peut pas parler. Parce que son système vocal a été détruit. Et bon, ben le film Bumblebee, c'est un peu l'origine de comment Bumblebee est arrivé sur la Terre, puis qu'est-ce qui s'est passé avec son système vocal. Mais aussi, Bumblebee, c'est E.T. rencontre Iron Giant. Pourquoi tu ris, Steven? La façon que tu dis Bumblebee à chaque fois, puis là, tu le dis trop souvent, fait que je... Bumblebee. Oh, ouais, j'aime ça, continue. Bon, je vais le dire comme idiot. Bumblebee. T'as fait comment qu'il dit? Bumblebee. Bumblebee, en tout cas. Mais oui, j'aime ton mix. E.T. Iron Giant. Yeah, Iron Giant, c'est vrai que c'est pas mal ça, en gros. Ouais, c'est ça. Hein. Ils ont voulu en faire un film cute, très, très familial. Sauf que... Ils ont fait les 5 premières minutes les plus awesome de n'importe quel film de Transformers qui existe depuis que Michael Bay a touché à la série. Je me disais exactement la même chose. Ouais, hein? Ouais, les 5 premières minutes, je me disais, OK, c'est un film qui va être moins axé sur l'action. Puis les 5 premières minutes, il te balance la guerre sur Cybertron qu'on n'a jamais trouvé aussi épique que dans les autres. Puis, mais non seulement qu'il te balance la guerre sur Cybertron, mais il te la balance avec les Transformers qu'on connaît toutes. Designé comme dans les dessins animés. Parce que t'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui gueule le nom du Transformer pour savoir c'est qui. Tu le vois puis tu fais comme oh mon dieu, c'est Soundscreen, Soundwave. Oh mon dieu, c'est un tel. Même mon dieu, c'est un tel. Puis là, t'es comme tabarnage, c'est débile. Puis Soundwave, il y a encore ses cassettes. Là, je capotais. Il pitch ses cassettes qui deviennent des gens de bête ou je sais pas trop quoi. Là. Ça, c'est vraiment là pour venir brosser les fans. Écoute, oui, écoute, j'étais là, j'étais comme, c'est du gros fan service que j'ai en pleine gueule, mais je tripe bien raide. Là. C'était fou. Puis là, ben, tu te demandes, bon, on va-tu en ravoir de tout ça pendant le film? Puis il n'y en a plus. Là. Après ça, c'est fini. Là. On tombe vraiment dans la fille au bon cœur qui a un peu de problème avec sa famille, qui rencontre Bumblebee, puis bon, tout ça. Elle va l'aider à se cacher parce que bon, le gouvernement il cherche. Puis les Decepticons, il y en a deux qui s'en viennent sur la Terre parce qu'ils ont découvert que Bumblebee est caché là. Puis ils veulent l'empêcher de bâtir une base militaire pour les Autobots. Pour ceux qui ne connaissent pas les Transformers, j'ai peut-être dit beaucoup de mots qui n'ont pas compris. Il y a les méchants puis il y a les gentils. Les méchants veulent empêcher les gentils d'être sur la Terre. C'est très simple. Ouais, puis c'est ça. Puis ben les deux méchants, c'était des méchants moins connus, ça j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Sauf que j'ai trouvé que leur plan était quand même cool, leur plan de faire un semblant aux humains que c'est eux autres les gentils puis qu'il faut arrêter Bumblebee, j'étais comme c'est pas mal le plus logique à faire. Là. Ouais, c'est très cool. Le film est cute, il est foutrement cute là. Bumblebee, je m'excuse mais c'est un petit choc de le goût de coller. C'est fou. Moi, on écoutait le film, moi, puis ma blonde. Puis, tu sais, ma blonde, on a tout le temps, elle a lâché un oh, oh. Tu sais, c'est il est cute. T'as vraiment, c'est un, il fait ses petits airs de chien battu, puis ses petits yeux doux. Puis, mais c'est ça, l'intrigue, c'est vraiment de base. J'ai vraiment dit Iron Giant, puis on peut pas avoir plus Iron Giant quasiment que ça. Là. Le méchant gouvernement qui veulent détruire le robot au bon cœur, mais ils arrivent pas à comprendre que le robot n'est pas méchant, puis tout ça. Puis, hey, John Cena, toi. Ah oui! Honnêtement, John Cena, plus je le vois dans la comédie, puis plus je trippe. Moi, j'avais vu la comédie qu'il avait faite, Blogger. Ok. Je sais pas si tu l'as vu, là, mais c'est, il est vraiment drôle là-dedans. Là. Puis, quand je l'ai vu dans Bumblebee, la façon qu'il joue son rôle d'autodérision, là. Le gros soldat typique, plein de testostérone, qui a une porte devant lui, c'est comme « Enlevez cette porte de moi! » Puis ouais. Là, il peut juste mettre des bombes, tu sais. Oh oui, écoute. Non, il est, c'est le fun. Oui, il n'y a pas beaucoup d'action, mais l'action, quand elle est là, elle est tripante, parce que contrairement aux anciens films de Michael Bay, je la trouve mieux filmée. Il y a des codes de couleurs plus clairs sur les Transformers. Ouais. J'ai plus trippé sur l'action celui-là parce que, tu sais, oui, ça pète moins qu'un Michael Bay, mais c'est plus minimaliste, donc ça focus plus sur des combats de robots hyper chorégraphiés en plan large, montage fluide. Fait que moi, j'ai vraiment trippé sur les quelques scènes d'action qu'il y a. Puis oui, c'est pas rempli, tu sais, c'est pas mal. Ça commence à un gros début d'action, puis ça finit avec une grosse finale d'action. Mais avant tout, le film ne veut pas focusser sur ça. Puis c'est pas vraiment les intentions du réalisateur Travis Knight qui avait fait Kudo, Paranorman, tout ça. c'est un gars qui a beaucoup de cœur dans ses films, puis Bumblebee, c'est pas mal ça, c'est un coming of age avant tout, puis oui, ça propose rien de nouveau. J'ai trouvé peut-être même que le film manquait un petit peu de viande par rapport à ses thématiques, tout ça, mais c'est pas tant important. Le but ici, c'est d'avoir du fun. Puis, d'avoir un petit film familial. Là, film familial, mais c'est surtout que Hayley Steinfeld tient le film sur ses épaules. Ah oui. Là-dedans, dans Age of 17, j'étais tombé en amour avec elle, je la trouvais vraiment bonne. Puis ici, elle crève l'écran, on a des beaux personnages, des personnages bien écrits, même son ami gars, qui est son voisin qui est amoureux d'elle, il est bien écrit. Il n'y a pas tant de douchebag ou de personnages de mal. Tu sens qu'il est comme qu'elle kick sur un douchebag à l'école, puis rapidement, le douchebag se révèle être un douchebag, puis elle fait comme bon, ben fuck you. J'ai plus rien à crisser de toi, là, tu sais. Même le kick, tu sais, c'est un peu ambigu, j'ai trouvé, tu sais, à l'organe, mais elle n'a pas l'air tant que ça intéressée. Ouais, parce non, c'est ça. Avec les petites coteluches, mais j'ai beaucoup aimé la vibe années 80 également. Je trouvais que le film, justement, vu que ça a une structure très E.T. et Iron Giant, ben, tu sais, beaucoup de musique de Smith, moi, je trippais, tu sais, je veux dire, oui. Ça fait du bien d'avoir de la musique comme ça qu'on n'entend pas vraiment, là. D'habitude, c'est tout le temps les mêmes gros hits, là, comme dans Ready Player One, tu sais, qu'on entend tout le temps. Oui. Fait que je trouvais que la musique était mieux variée, j'aimais le visuel. C'est juste du gros fun, du gros divertissement. Puis pour une fois qu'on a un Transformer ou qu'on est impliqué avec des personnages, puis émotionnellement, ça fait que les quelques scènes d'action, ben, on est plus impliqué que juste comme « Wow, il me pète! Wow, » Ouais, ben, c'est la... ça. T'attends pas la prochaine scène d'action. Quand elle arrive, t'es content, mais t'es pas en train de t'emmerder. Non. Si tu t'emmerdes, c'est parce que t'as clairement pas les bonnes attentes envers ce film-là. Parce non, que c'est pas un film d'action. Même la famille de la fille, c'est très axé sur l'humour, un peu comme celle de Shia LaBeouf dans Transformers, ouais. Mais c'est beaucoup mieux écrit. Dans Transformers, c'est son cabochon, c'est pas drôle, l'humour est vraiment, vraiment stupide. T'sais. Tandis que dans celui-là, je riais vraiment de bon cœur. Oui. C'est juste cute, tu l'as dit, c'est vraiment cute. Scénario écrit par Christina Hudson, je la connais pas, j'ai rien vu de elle, mais sauf que tu le sens que t'as un scénario qui est écrit par une femme. Oui, ça paraît. Ça paraît, là, tu sais. Il n'y a pas d'histoire d'amour gratis. À aucun moment, là, justement, si tu penses à Michael Bay puis ses Transformers, tu n'auras jamais de femme objet dans Bumblebee. Non. C'est pas zéro, une barre. Justement, tu sais, je pense que la seule personne qui est traitée comme un... Ben, je vais dire comme un objet, mais je veux pas... C'est même pas ça, là. Tu sais, la personne qui est le plus sexy, c'est le douche, là, tu sais. Oui. Quand il s'en va plonger, puis il est en bedaine, puis tout ça, là, tu sais. Tu sens que c'est écrit par une femme, ça fait rafraîchissant beaucoup pour ce film-là. Puis tu sais, le film va dans des endroits vraiment, tu sais, clichés du coming of age, tu sais, la fille qui a perdu son père, puis elle veut reconstruire la voiture, tout ça, mais t'embarques, puis t'as l'émotion qui vient avec, parce que c'est bien emballé. C'est tu sais où que ça s'en va, là. T'as pas de surprise, là, dans non, ça. Non, mais la ride, elle est fun, puis elle est bien faite. Ouais, puis ça t'offre ce qu'un bon blockbuster devrait t'offrir en temps normal. Fait que moi, c'est pas mal ça que je voulais passer comme soirée hier, puis j'ai pas été déçu, honnêtement. Le 1h55 a passé extrêmement vite, tandis que le 2h30 des derniers Transformers a été pénible. Oh man, c'était un pénible incroyable, ces Transformers-là. Là. J'ai même pas écouté de Last Night, j'étais plus capable. J'ai écouté les 20 premières minutes sur Netflix, et c'est tellement un bordel de structure narrative que j'ai comme fait « fuck you, je t'offre pas 3 heures avec ça ». Et puis ça, justement, ça, là, côté bordel narratif, il n'y en a pas dans Bumblebee. Là. Non, c'est... Il n'y a pas d'histoire de Allspark, puis de patente de guerre planétaire, tout ça. C'est... Non, Bumblebee est sa terre. Les méchants veulent l'enlever de là parce qu'ils ne veulent pas qu'ils construisent une base d'Autobots. Puis la fille, ben elle essaie de le protéger. Puis en même temps, Bumblebee va l'aider à passer par-dessus comme sa relation sur le deuil de son père. Ben, la narration est pas mal ce que la série est, puis ce que Transformer est. C'est pas supposé être inutilement complexe comme des films de Michael Bay. C'est le bien contre le mal, c'est ça, Transformer. T'as pas besoin de virer ça en gros plan gouvernemental avec des trucs de... T'sais, on s'en fout, là. Ouais, c'est pas important, là. Non, c'est ça. Non, exact. Hein, c'était crissement rafraîchissant. Puis... c'est ça, faut juste pas s'attendre à un autre Transformer comme les autres, comme ce qu'on a vu dans la série de Michael Bay, puis on va passer un Christy de bon moment. Puis c'est un des Transformers qui est le plus écoutable en famille. Oh, facilement. Puis je veux dire, Crime, si vous voulez pareil de l'action, il y en a, là. Puis les séquences sont vraiment excitantes. Moi, j'ai vraiment trippé pareil avec les moments d'action, là. Oui, la séquence finale, elle est fun. Puis c'est ça. Puis la séquence du début, écoute, là, ça accroche, là. Ouais, puis, vraiment. Non, c'est ça. Puis c'est ça. Bumblebee est juste. Il est juste vraiment drôle. La scène où il se retrouve tout seul dans la maison, là. Ouais. Elle est vraiment drôle. C'est vraiment. C'est E.T. tout seul dans la maison, là. Puis je le répète. C'est carrément ça. John Cena là-dedans, il est hilarant. Dès le début, dans son training avec les pinballs, j'étais déjà crampé. Ce gars-là, il est vraiment bon en humour. Puis, ouais. Je sais pas si t'as le Blu-ray. Non, je l'avais loué. Ok. Tu l'as plus. Sur les bonus, il y a des bouts improvisés par John Cena. Là. Ok. Où ce qu'il fait juste dire de la merde. Tu sais, là, c'est genre. Il te reprend tout le temps la même ligne, puis lui, il fait juste. Dire n'importe quoi, là, c'est vraiment drôle. Non, il est honnêtement, moi, John Cena, j'ai pas vu plus qu'il faut au cinéma. Puis là-dedans, j'ai fait comme, hey, Christy, le gars, il a le sens du funny, puis c'est bien correct. C'est juste ça qu'on lui demande là-dedans. Écoutez, Blockers, tu vois, c'est une des meilleures comédies qu'on a eues l'année passée avec Game Night. Puis c'est vraiment, vraiment drôle. Je suis pas mal sûr que tu vas adorer. Cool. Ben là, j'allais te demander, c'est quoi ton film, toi, Steven? Ben, c'est ça, je vais en parler avec toi. Donc, fait que Steven, merci d'avoir été là. Merci, ciao. Marc-Antoine, il dit, une des deux scénaristes, c'est la réalisatrice d'Edge of 17. Oh, bon, okay. Ben, tu vois, regarde le lien, là. C'est pas pour rien que l'actrice revient aussi, hein? Ah oui, mais alors, ben écoute, là, elle est vraiment à sa place dans ce film-là. Là. Puis oui. C'est ça qui est le fun, c'est que, tu sais, elle joue comme... La rebelle un peu, mais elle joue pas trop cliché ou ce qu'on fait comme oh calice que c'est gossant, ça tape ses nerfs. Mais tu sais, des fois ça fait la rebelle bébé gâté qui fait ses crises puis qui frise puis qui pète tout, mais tu sens une espèce de fille qui passe à l'âge adulte avec une certaine maturité puis j'ai envie de. Tu sais, j'aimais ça la suivre. Puis elle gère encore mal la mort de son père, puis tu sais, ça marche. Ah oui, c'est cliché, mais ça marche, c'est ça qui arrive. Mais tu vois, tantôt, je parlais de Chloé Moretz, mais ouais. Tu sais, elle, Ellie Stanfield, comment s'appelle Ellie? Elle a commencé, elle aussi, à 10-11 ans dans True Grit, puis elle était déjà vraiment extraordinaire dans ce film-là. Ouais. Puis, ben, elle continue à être vraiment... Elle a fait toutes sortes de rôles différents. Elle a joué dans les Pitch Perfect, elle a joué dans toutes sortes d'affaires. Elle a une carrière musicale, mais tu sais, je la trouve plus, je sais pas, plus talentueuse, plus grandée, plus... Je sais pas, je l'aime plus que... Je trouve qu'elle a mieux évolué que l'autre. Ben, l'autre, c'est sûr que tu as loupé une coupe. Oui, une coupe de ses bons films des dernières années qu'elle a fait. Là. Parce que ben là, Greta, présentement, qui est au cinéma, qui a l'air quand même bien. Oui, Greta, ça a l'air vraiment excellent. Puis, tu sais, même si elle n'était pas super présente dans Suspiria, sa scène d'intro est quand même bonne. elle fait partie d'un des bons remakes d'horreur. Let Me In. C'est vrai. Je pensais que t'allais dire Carrie, j'étais non, non, non. Dans Let Me In, mais sinon, ouais, c'est ça. Ben, Kick-Ass était bon. Kick-Ass 2 était moins bon, mais je pense pas que c'était de sa faute. C'est ça que je disais à Jeff, je me rappelais plus si t'étais là, mais elle a fait un film l'année passée où que ses parents l'envoient dans un camp religieux pour la faire convertir pour plus qu'elle soit homosexuelle. Apparemment que c'est vraiment solide également. Là. Ok, The Miss Education of Cameron Post. Ouais. Ouais, que tout le monde dit, ben que c'est Marc-Antoine d'ailleurs dans le podcast qui en parlait, qui disait que comparé à Boy Erased, c'était meilleur. Ouais, je serais curieux de le voir celui-là, il m'intéresse beaucoup. Ah ben cool, ben regarde, tu vois, Jeff. C'est peut-être juste parce que tu as mal suivi sa carrière comparé à... Peut-être. Puis, ben, Jeff, justement, on va y aller avec toi. Un autre film Netflix. Ouais. Un autre film Netflix. Je l'ai vu, The Kindergarten Teacher, que je voulais voir depuis l'année passée. Oui. Avec Maggie Gyllenhaal. Oui. Tu l'avais vu, la bande-annonce? J'ai vu le film. Hein. Le film, OK. Ouais. La bande-annonce me l'avait vraiment vendu à fond, là, tu sais, puis... C'est ça, c'est en gros, c'est une prof de maternelle qui suit des cours de poésie le soir, puis qui n'est pas bonne, elle est vraiment poche pour écrire de la poésie. Puis je sais pas, elle trouve qu'elle a un peu... c'est ça, il manque de quoi dans sa vie, là. Elle cherche un peu quelque chose qui manque. Puis elle découvre un petit garçon de 5 ans dans sa classe qui écrit des poèmes, mais qui invente des poèmes, mais vraiment, tu sais, comme ça, il récite tout haut, il est comme perdu dans sa bulle, là, puis il récite tout haut, puis là, elle décide de les écrire sur papier, puis tout, puis elle dit, il est vraiment bon, puis tout. Puis maintenant, elle commence à les présenter dans sa classe, comme si c'était elle qu'ils avaient écrit, puis là, tout le monde la félicite pour son talent. Elle s'est vraiment améliorée, elle est vraiment rendue bonne comme poète, puis tout, puis là, ça va débouler, cette affaire-là, tu sais, ça va prendre plus d'ampleur. Parce que je ne vais pas trop en révéler, mais la bande-annonce en révélait déjà beaucoup. Elle racontait déjà pendant tout le film. Un peu beaucoup, oui. Mais non, en gros, j'ai quand même beaucoup apprécié le film. Ce n'est pas ce que la bande-annonce m'avait vendu, dans le sens où la bande-annonce donnait l'impression d'un film qui allait se finir quasiment en gros trailer, là, en gros, gros suspense. Et finalement, c'est beaucoup plus doux que ça, beaucoup plus calme. Puis, tu sais, ça joue plus sur le malaise là, de la fin. Puis, tu sais, je comprends les intentions du personnage de Maggie Gyllenhaal de chercher l'art dans la vie, d'essayer de que les gens se connectent un peu plus les uns aux autres, puis qu'elle lâche les téléphones, puis lâche les affaires. Tu sais, elle est en manque de quelque chose. Elle est comme perdue dans une société où plus personne ne connecte, puis elle a de la misère à connecter avec ses enfants, elle a de la misère à connecter avec tout le monde, puis elle trouve qu'il n'y a plus assez d'art, puis d'intellectualisme, et de culture dans le monde, puis tout, en tout cas. Tu sais, je comprends ses intentions, mais en même temps, elle s'y prend mal, évidemment, tu sais, elle va profiter d'un petit garçon de 5 ans qui lui ne demande rien à personne, puis qui c'est juste un don qu'il a, c'est juste des mots qui sortent de sa bouche. Puis, mais c'est ça, c'est un rôle qui aurait pu être très casse-cou, mais c'est Maggie Gyllenhaal, puis elle a tout le temps été extrêmement talentueuse, cette femme-là, puis elle joue, t'sais, c'est super malaisant, son personnage pourrait être absolument détestable, puis il ne l'est pas. Du début à la fin, je trouve, il n'est jamais détestable. J'ai tout le temps compris le personnage jusqu'à la toute fin. Tu sais, il n'y a pas de moment que j'ai fait, mais voyons, what the fuck, c'est quoi cette décision-là? Non, comme, non, jamais. Je la comprends, puis même si je j'approuve pas ses choix, on est avec elle quand même tout le long. Ça reste notre personnage central, puis on reste accroché à elle quand même, puis on s'intéresse à ce qu'elle fait, puis c'est ça. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup aimé sa performance, comme dans bien d'autres de ses films, là. Le petit garçon aussi, il est super bon, je le connaissais pas, il est très très bon. Puis écoute, c'est fou parce que tu écoutes ce film-là, tu sais, comme tu dis, tu la comprends, tu réussis à. Le personnage est très bien ficelé, mais que t'as pas le choix de te mettre dans la peau des parents, puis du petit gars, puis tout ça, puis t'es comme, oh my god, que c'est malaisant. Il y a vraiment des scènes où je graffinais mon divan, là, que je fais, elle va trop loin, ça n'a pas de bon sens ce qu'elle fait là, c'est horrible. Mais c'est pas horrible, c'est ça qui est fou, c'est que c'est horrible sans l'être. Le film joue sur une ligne, là. Il joue sur une ligne tout le long, jusqu'à peut-être les 10 dernières minutes, parce que tu fais comme, ok, là, non. Là, j'accepte plus. C'est ça, les 10 dernières minutes, le personnage aurait pu perdre la carte, aurait pu comment virer d'un. Je sais pas, mais. Elle reste tout le temps lucide, elle sait ce qu'elle fait, elle sait qu'elle n'est pas correcte, tu sais, puis en tout cas, sans trop vouloir en révéler, jusqu'à la fin, elle ne met pas de bâton dans les roues à personne, tu sais, elle va faire « Ok, c'est beau, gars, j'ai fait de quoi de pas correct, tu sais. » C'est ce que j'ai aimé de son personnage. Elle, quand même, elle sait qu'elle fait quelque chose de pas correct. Tu sais. Non, c'est ça, puis c'est ça qui rend je pense que c'est ça qui rend le film plus efficace, parce que ça ne vire pas en gros thriller. Mais non, c'est... c'est bon. Mais oui, Marc-Antoine, il dit que c'est un remake d'un film israélien. Je l'ai appris tantôt sur IMDb. Je l'ai pas vu, le film. Mais bon, ça arrive tellement souvent qu'on fait comme « Hey, très bon film! » Ouais, c'est un remake. Oh, God, je serais très curieux de voir le Ouais, film. Je serais très curieux de voir, parce qu'on s'entend que justement, c'est le genre de film que... tu fais un remake, puis tu peux justement... dévié d'une couple de petites décisions que le film original a prises. Ouais, puis c'est ça. Ça serait de voir la performance de l'autre actrice dans le film original, puis ça serait de voir, tu sais, avec les différentes cultures, les différences de culture, ben qu'est-ce que ça va être différent. Là, ouais, mais je serais curieux de voir aussi ce qu'on voit dans le dénouement. Là. Ouais. Parce que le film réussit dans la version que tu parlais avec Maggie Gyllenhaal, c'est ça. Il réussit à le faire d'une façon correct. C'est ça qui est bizarre. C'est que c'est bizarre. En tout cas, c'est difficile d'en parler sans trop spoiler. On a de prendre le point de vue des parents, surtout quand on est parent. Je l'écoutais avec ma blonde, puis à la fin, elle dit Elle dit, mais tout le long, j'ai pensé à Vincent, notre garçon. Tu sais, je pense à lui. Tu sais, le petit garçon, il est innocent, il comprend rien. À tout bout de champ, il demande à, tu sais, elle est tout le temps là en train de le réveiller durant la pause, durant le quand ils font une sieste à maternelle. Tu sais, elle est tout le temps en train de le réveiller. Viens avec moi, viens aux toilettes, je vais te parler. Ben puis elle commence à parler de ses poèmes puis tout. Mais viens t'en en cours avec moi tout seul. Tu sais. Puis lui, il demande, il est tout le temps là en train de demander, mais qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes? Puis qu'est-ce que nous autres, à la garderie, on a une gardienne, une éducatrice qui est blagueuse avec les enfants. Elle est tout le temps en train de lui dire n'importe quoi, de lui dire de la merde, juste pour voir, parce qu'elle sait qu'ils vont mordre, tu sais. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais pas fâché ou quoi que ce soit. Là. Mais à un moment donné, j'étais allé chercher Elliot, puis là, elle fait comme, « Hey, Elliot, non, aujourd'hui, tu vas pas avec ton père, tu t'en viens chez nous avec moi. » Puis il la regarde, puis il fait comme, « Hein? » Mais tu sais, j'ai comme vu que il aurait juste fallu que je sois pas là, puis qu'elle pousse au bout de son gag, puis elle a fait comme, « OK. » Puis il serait parti avec, puis là, tu fais comme, « Tu sais, je veux dire, tu sais, elle a désamorcé le gag, puis c'était bien correct, puis elle a fait, « Ben oui, tu t'en vas avec ton père. » Mais tu te rends compte justement à quel point que ces personnes-là avec nos enfants, à quel point qu'ils ont beaucoup de puissance. Ils ont beaucoup. Fait que là, dans ce film-là, tu sais, justement, comme tu dis là, tu la regardes aller, puis tu fais, « Oh mon Dieu, c'est sûr que le petit gars, il va croire ce qu'elle dit, puis tu sais, il se pose pas de questions. » Parce qu'en même temps, ce qu'elle fait avec, c'est pas... Non, puis... C'est juste les adultes autour qui finissent par, des fois, avoir comme un regard de... C'était bizarre, ça. Parce que... C'était jamais méchant, c'était juste... C'est ça, non, elle a une belle approche avec le monde, tu sais, elle est intéressée comme la fille, la nounou du petit garçon, elle dit, vous êtes très attentionné, vous êtes vraiment une très bonne professeure, tu sais, puis c'était ça, il y a des petits détails du personnage que j'aime qui sont pas vraiment expliqués, mais j'aime ça dans ce temps-là quand il crée des tics au personnage, elle fait tout le temps le dos des enfants, ou elle touche tout le temps le monde avec qui elle parle, elle est tout le temps très... pas expliqué dans le film nécessairement pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, mais si on la regarde avec les enfants, elle s'approche des enfants et elle lui flatte tout le temps le dos. Tout le temps, tout le temps. Puis à un moment donné, j'ai allumé là-dessus. Fait, elle est vraiment très bonne des contacts physiques, puis tout, mais c'est jamais expliqué, c'est jamais mentionné, c'est jamais, jamais adressé. Accusé, ouais, c'est juste là. Ah non, c'est ça, elle quelque chose, elle est... C'est ça. Mais ouais, écoute, c'est ça. Tu sais, puis tu te... Ah, en tout cas, non, j'allais parler, puis j'étais en train de parler de ce film. Beaucoup de couches, beaucoup de trucs à voir là-dedans. Là, ouais, c'est vraiment un bon film. Je pense que j'en avais parlé déjà dans le podcast, mais c'était vraiment à voir. Il y a Fanny et Janie qui se sont rajoutés. Salut à vous autres. Merci d'être venus. Jeff, c'était tout pour... Très recommandé. Kindergarten, Kid Teacher sur Netflix. Ouais, vraiment, vraiment recommandé. Au moins, ça rattrape ta déception avec la cinquième vague. Hey, Steven, on parle-tu quand même un petit peu de Pet Sematary? Non. Ah, calice. OK, bon, ben, je vais vous parler d'Hellboy d'abord. Parce que j'en ai pas fini avec Hellboy. Non, honnêtement. C'est drôle, hein? Hellboy, là, il se fait vraiment démolir, tu sais, en ce moment. Ouais. Mais il y a comme une panoplie de personnes qui... s'amuse en salle pareil avec le film. Puis la façon qu'ils vendent me tente pratiquement. Ah ouais, pareil, okay, un peu, là, je suis curieux. Mais tu sais, ils vendent ça vraiment comme une espèce de gros délire de 2 heures où c'est une galerie de monstres, de l'action non-stop, des moments awkward, du gore à profusion. Fait que c'est comme. Tu sais, mettons mettre mon cerveau à off, puis juste me faire divertir pendant 2 heures de cette façon-là avec plein de créatures, puis du gore. Je suis partant. Mais c'est pas ça que tu vas avoir, man. C'est non. Ça le problème. Okay. Je comprends pas qu'ils le vendent de cette façon-là, parce que c'est pas le même, je l'ai vu. Tu sais, bon, c'est Neil Marshall. Neil Marshall est capable de nous livrer de l'horreur puis du gore, puis on le sait, là, tu sais. Écoute, il nous a livré... un des meilleurs films d'horreur adore, de là, tous les temps, tu sais, The Descent. The Descent, probablement dans le best, que quand tu dis à quelqu'un qui te dit « Je voudrais vraiment avoir peur, ben garde. » Écoute The Descent, tu sais. Puis sinon, ben, un des bons films de loup-garou, tu sais. Ouais. Dog Soldier, tu sais, c'est trippant, là. Quand tu veux sortir de tout ce qu'on connaît par cœur, là, comme The Howling, ben, American Werewolf ou Silver Bullet, ben, t'écoutes. Mais toi, ça pleut pas, les bons films de loup-garou, hein. Puis il y en a fait un, tu sais. Fait que là, tu te dis, ben, écoute, ouais, vas-y, fais-nous un Hellboy. Bon, on va skipper outre son. le bordel de tournage qu'il y a de l'air d'avoir eu, parce que clairement, ça a l'air d'avoir mal été. Là. Vous lirez les articles. Clairement, c'est. Ah ouais, mais Pascal Jacob qui dit Doomsday est excellent. J'ai pas vu Doomsday. Il est encore moi, j'ai vu ça au cinéma dans une sortie limitée, là. Puis c'est vraiment juste. C'est un film qui s'est fait plaisir, puis qui s'est bombardé de références. Là. C'est du Mad Max, Escape from New York, du film Gore Zombie italien des années 80. C'est vraiment juste un melting pot de tout ce que Neil triple. Vraiment, c'est ce que ça donne comme feeling. Puis tu sais, bon, oui, Neil Marshall a voulu faire un film qui était drôle, qui était un petit peu plus. Crunchy dans son action puis dans son gore, mais tu sens que soit il s'est fait mettre des bâtons dans les roues par les producteurs, ou soit que côté scénario ils ont backé sur des affaires, ou qu'ils ont voulu c'est un asti d'affaire qui me gosse. Là on dirait que quand les films se basent sur un comic book ou quelque chose comme ça, ils sont pas capables de juste se focusser sur une affaire. On dirait qu'ils sont obligés de mettre des pistes pour un paquet d'affaires au cas où qu'on fasse des suites. Tu sais, ouais. Fait que là, t'écoutes Hellboy, puis tu fais juste comme, ça, c'est clairement une piste pour une prochaine affaire. Ça, c'est clairement une piste pour une prochaine affaire. Ça, c'est clairement un personnage qui est là juste pour faire comme, coucou, je reviendrai. Bang. Apparemment que la production a été chaotique. Ouais, c'est là. Ça. Que... Exact. Puis ça gosse tout le long, tu sais. David Harbour, oui, il est peut-être correct pour jouer Hellboy, là, mais... ne peut pas avoir le... personne ne peut avoir le charisme d'un Ron Perlman. Sa face est faite pour elle. Bah, il y a déjà un visage unique, là, ses formes, ses traits. Fait que, tu sais, il était fait pour être Hellboy. Écoute, ce qui est drôle, c'est que Ron Perlman, tu sais, sa face, ils ont comme été obligés juste de la mettre rouge. Ils ont mis la face de Ron Perlman rouge, puis il y avait la face d'Hellboy. David Harbour, tu sens que, tu sais, ils ont creusé les yeux, puis tu sais, puis ils ont... Tu fais comme... Ah, tu l'avais pas la face. C'est pas naturel. Je suis pas capable de te reconnaître tout de suite quand je te vois. Fait que ça marche pas. Mais, tu sais, je veux dire, là, je veux pas faire le gars qui... C'était meilleur dans les autres. Oui, puis c'est ça, Marc-Antoine qui dit « Neil Marshall a aussi réalisé deux épisodes hyper mémorables de Game of Thrones. » Ça a l'air, mais je sais pas c'est lequel. Mais tu sais, Neil Marshall n'a plus de preuves à faire. T'sais. Déjà, si tu as réalisé deux épisodes mémorables de Game of Thrones, tu es dans les lignes majeures. Mais c'est ça, c'est que là-dedans, tu me parles, admettons comme là, Marc-Antoine qui me dit Neil Marshall a réalisé deux épisodes hyper mémorables de Game of Thrones, et je sais que ce sont des épisodes avec des batailles. Ben moi, je regarde Hellboy, puis je vois un réalisateur qui n'est pas capable de réaliser des batailles. Dans le banc, tu vois qu'il y a un fuck, là, d'abord. Il y a quelque chose qui marche pas. Puis, je vais vous donner un exemple vraiment simple. Il se bat contre trois géants. OK? Trois géants, on le voyait dans la bande-annonce. Là, il mange une volée, puis il revole. Mais son combat avec les trois géants, j'étais jamais capable vraiment de dire où ce qui étaient les géants, puis dans quelles conditions qu'ils étaient. Parce que sa caméra fait juste partir d'un bord puis de l'autre. Puis c'est le fun, parce que oui, c'est tourné dans un plan séquence, mais on le sait tous, là, un plan séquence d'un gars qui fait juste courir, puis il y a des géants qui essaient de le frapper. C'est pas un plan séquence qui m'excite, parce que c'est du CGI. Mais c'est ça, c'est que... 69 ans hier, Ron Perlman, c'est fou. Oui. C'est ça. À un moment donné, je me souviens que Hellboy se fait frapper, ou en tout cas manque se faire frapper par un géant. Le géant, en tout cas, est comme semi-étourdi. Puis là, il se tourne de bord, Hellboy, puis il réussit à aller lancer un javelot vers un autre géant. Mais pendant ce temps-là, le géant qu'on a comme vu semi-étourdi, il est comme encore là, mais tu sais pas. Tu sais, tu fais comme... Il me semble qu'il serait supposé d'être en train de manger un coup, là, Hellboy, là, tu sais. Pourquoi est-ce que là, je le vois pas en train de manger un coup? Fait que, tu sais, ça me... J'étais jamais en train d'être dedans pour les scènes d'action. J'étais juste comme, c'est brouillon. Je suis pas l'action comme il faut. Écoute, il nous fait une scène finale qui est même pas une scène finale. Mila Jovovich qui veut être comme la sorcière méchante qui revient pour dominer le monde. Là. Et t'as casté pour de la merde derrière moi. C'est fou, Mila. Ah, c'est débile, c'est débile. Tu sais, puis... en tout cas, vous écouterez le film, puis vous me direz ce que vous en pensez, mais il est en train de se passer des choses à l'extérieur parce qu'il est revenu, puis blablabla, puis bon, c'est le bordel. On le voit dans la bande-annonce encore, puisque c'est le bordel parce qu'elle est là. Puis, elle est en affrontement avec Hellboy, mais c'est un affrontement parlé. C'est un affrontement parlé de ou, qu'est-ce qu'Hellboy va faire, tu sais. Mais, on est pas... Il y a tellement une erreur de montage que ça devrait nous montrer de temps en temps comme l'enjeu de ce qui est en train de se passer dehors, tu sais. Tandis que là, ça fait juste rester avec Hellboy puis elle. Puis là, t'es juste comme, bon, on dirait que c'est juste plus grave ce qui se passe autour. Fait que t'as pas d'enjeu. Tu fais comme, Hellboy décidera bien ce qu'il veut. J'ai l'impression que ça change rien, tu sais. Il est pas capable de te mettre le big picture. Il est supposé te montrer que Mila Jovovich, c'est une... quelqu'un qui va détruire la planète entière, mais écoute, à part quelqu'un qui te le dit aux nouvelles, là, genre, il y a une peste noire qui est en train de se répandre sur la planète, puis dans 48 heures, il n'y a plus personne qui va vivre. T'es comme, hey, sérieux, là, ça, il fallait que quelqu'un le dise. C'est un film, montre-moi-les, tu sais. Non, tu sais, à la place, on va te montrer 4-5 gars perdre une tête puis se faire déchirer en deux, parce qu'évidemment, on a voulu avoir un rated R movie, mais, tu sais, c'est ça, il y a. Le film réussit pas à aller au bout de son idée puis au bout de ses scènes. Celui qui a décidé de plugger des tunes là, à tout bout de champ, il a écouté Suicide Squad, ce gars-là. Là. Il a écouté Suicide Squad puis il a fait comme... Ça fait 30 secondes qu'on n'a pas plugué une tune qu'on connaît. Vite, faut plugger une tune qu'on connaît. OK, go! Puis là, t'es comme... Quoi? Des fois, les tunes startaient puis j'étais comme... Qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc! Tu sais, un moment donné, Hellboy se fait réveiller par une toune qu'on connaît, là, puis il est comme... J'étais comme, ouais, c'est la même réaction que j'ai que toi présentement. Là. Pourquoi est-ce que je suis en train d'écouter cette toune-là? Là? Ah, écoute. Puis moi qui est fan de Muse, il y a une toune de Muse pendant le film. J'aurais été supposé être content, mais quand t'es arrivé, j'ai fait... What the fuck? Pourquoi cette toune-là, là? Écoute, non! C'était un gros ramassis de n'importe quoi. Oui, peut-être que là, regarde, je suis en train de le vendre comme un gros ramassis de n'importe quoi, mais c'est entrecoupé de Christine mauvais en plate d'exposure. Mais de l'exposure, là, de l'exposition qui arrête pas, là. Hey, blablabla. By the way, il va falloir que tu aies parlé à telle personne. OK, go, on est rendu. Blablabla. Hey, by the way, il va falloir que tu aies parlé à telle personne. OK, go, on est rendu. C'est pas ça que je m'attends d'un Hellboy, là. C'est pas ça, là. Puis, moi, ce que je pige pas, c'est que Del Toro voulait absolument faire son troisième. Mais... c'était supposé être une trilogie. Vu que ça n'a pas assez marché, ben, il s'est fait mettre des bâtons. Puis c'est comme, désolé, tu pourras jamais faire ton Hellboy 3. Mais plusieurs années plus tard, il donne la chance à quelqu'un de faire un reboot. Why? Pourquoi vous ne donnez pas la chance à Del Toro de faire son Hellboy 3? Ben oui, tu sais. Ah non, non, je non. Je comprends pas, honnêtement. Je ne la catch pas, là. Puis je pense que là, ils vont s'en mordre les doigts parce qu'honnêtement, je sais pas l'impression. Je pense pas qu'il va réussir à rentrer dans le. Il fait démolir. Ah oui, non, non. Non, c'est ça. C'est foutrement décevant. Là. Écoute, je le disais dans ma chronique radio, là, mais moi, tu sais, me faire dire en voix off. Écoute, il y a une scène où il parle avec quelqu'un puis qui dit vous allez devoir aller voir telle personne, mais le chemin va être parsemé d'embûches et ce sera vraiment difficile. Puis pendant qu'elle dit, c'est une voix off, puis tes voix marcher. Dans les montagnes. On dirait quasiment la communauté de l'anneau. Puis là, t'es comme, OK, ouais. Puis là, quand t'as fini de parler, ils sont arrivés. Puis là, tu fais, mais c'était quoi les embûches? Tout ce que j'ai eu besoin, c'est d'une voix off qui m'amène jusqu'au lieu où ce qui était supposé d'aller. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on se rende jusqu'à une autre personne qui allait continuer à leur donner de l'information? Faites pas ça, tu sais. Restez avec la première personne. Puis donnez-moi cette information-là, puis ça va prendre 10 minutes de moins. Tu sais, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui est comme, il faut absolument trouver ce qu'elle a, la sorcière, blablabla, cherchez, on la trouve pas. Puis là, Hellboy ouvre une porte, puis là, il est téléporté à quelque part d'une autre dimension, puis il parle avec cette personne-là, puis la personne fait comme, by the way, je sais où est-ce qu'elle est, la sorcière. Puis t'es comme, hey, tabarnouche, j'ai une chance que... Chance qu'on a de l'action dans ce film-là parce que les intrigues sont pas bien ficelées. Là. Tout ce que j'ai besoin, c'est que quelqu'un me dise « On a besoin de savoir où est quelque chose » puis la scène d'après, quelqu'un nous donne l'information sans qu'on l'ait demandé. Oh God, c'est vraiment épouvantable. Mais c'est ça. Neil Marshall essaie de faire peur à certains moments ou essaie de rendre certains monstres effrayants puis il réussit. Je vais lui donner ça. Il y a une scène avec avec une sorcière très connue dans la mythologie scandinave, je crois. Et c'est juste des effets pratiques, puis ça marche. Nice. Elle est vraiment creepy à ce fond. Puis là, tu te dis, pourquoi est-ce que c'est pas elle plutôt que Mila Jovovich? Parce que t'as cette sorcière-là qui est vraiment creepy as fuck, qui est là genre 10 minutes. Puis là, après ça, t'as Mila Jovovich qui est supposée être la sorcière la plus destructrice de la planète. Puis tu la regardes, t'es juste comme... Non, ça marche pas, tu sais. Hey, Mila Jovovich, sérieux, dans ce film-là, là, elle a deux choses à faire. Se tenir debout, puis parler. C'est juste ça. C'est vraiment avec probablement un fond de CGI ou quoi que ce soit. Elle fait juste être debout puis parler, puis de temps en temps, tendre la main pour faire des sorts qui sortent. C'est pas comme si elle était pas capable de tourner des scènes d'action. Je veux dire que les Resident Evil, elle fait que ça. Non, c'est ça. Ah non, sérieux, là, tu sais. Ramenez-moi Doug Jones. Pour ceux qui savent pas c'est qui Doug Jones, c'est le go-to-go guy de Del Toro. Quand Del Toro a besoin de... J'aurais besoin de quelqu'un qui ferait une créature creepy. On va prendre Doug Jones. C'est lui qui fait, entre autres, dans Labyrinthe de Pan, c'est lui qui fait le faune, puis c'est lui qui fait aussi la bébite avec les yeux dans les mains. Là. Ouais. C'est lui qui, dans les Hellboy, il fait le genre Sapien, celui qui est l'homme-poisson. Ben, puis c'est lui qui jouait l'homme-poisson dans Shape of Water. Ouais. Parenthèse, il est vraiment bon dans Star Trek Discovery. J'adore son personnage. Puis il y a vraiment une bonne scène dans saison 2. Là. Il y a tout un arc intéressant. Puis, ben, tu sais, c'est ça. Ça arrive assez rarement qu'on le voit en tant que lui-même. Ben, il y a du maquillage. C'est pas lui-même. Ah là, mais... oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a du maquillage aussi. Oh, oui. Andy Serkis, là, je veux dire, c'est rare que tu vas le voir en être humain dans les films. Là. Mais contrairement à Andy Serkis, lui, il tourne dans des studios avec des points blancs sur lui en motion capture. Puis Doug Jones, lui, il est dans des costumes. Oui. Tu sais, je donne le point rough. À Doug Jones. Plus rough dans des costumes. Ouais, je donne le point à Doug Jones, sérieusement. Tu sais, le nombre de temps que tu dois te faire maquiller et arranger là, pour tourner les scènes de la journée, là, c'est rough. Ah, puis Doug Jones a mis aujourd'hui ma photo préférée sur Instagram de la journée. Là, c'était génial. Ah, oui, ça fait. Oui, c'est super de belles photos. OK. On ira voir. Écoute, Doug Jones qui parlait que si c'est dans Labyrinthe de Pan, quand il joue le faune, il y a tellement de mécanismes dans sa tête qu'il ne comprend rien. Il n'entend absolument rien. Fait qu'il fallait qu'il calcule dans sa tête. Genre, la réplique dure 1, 2, 3, 4. OK, c'est là que je parle. C'est fatable. Imagine le genre de condition que t'es. T'es dans ton costume, tout ce que t'entends, c'est... Mais n'importe quelle personne qui sont spécialisées à jouer des monstres ou des créatures, c'est fou comment c'est une job complexe. Ah, c'est fait un juste métier. Tu fais juste penser aux Tortues Ninja, la première adaptation qu'il y avait eu des années fin 80, début 90. Là. Les costumes des tortues, les acteurs devaient regarder par la bouche. Puis c'est vraiment complexe, puis il fait chaud en esti là-dedans. Là. Fait que, tu sais, c'est... Ah non, c'est fou, là. C'est fou. Et moi qui ai déjà fait une mascotte une fois un après-midi au festival du Bleuet de Mistassini, je sais ce que c'est. Non, honnêtement. Je faisais... C'était un costume de Bleuet. Non, écoute, je faisais Wo-Wo, la mascotte du festival Western de Dolbeau, qui est un cheval cowboy. Mais j'étais au festival du Bleuet de Mistassini. Et je faisais conjointement avec un de mes amis qui relevait de brosse. Fait que le costume puait la robin. J'étais là-dedans et j'étais comme, est-ce que ça sent mauvais? C'est puis on s'attend-tu que vomir dans un costume, c'est pas le meilleur moment? Non, c'est ça, tu sais. Ah, écoute. Non, c'est... Fait que j'ai fait une fois une mascotte dans ma vie. Mais c'est ça. Hey, les amis, j'ai oublié de vous demander en quoi qu'on ira en musique. Je sais pas. Je sais pas. Toi, Steven, me semble que je t'ai vu poster des trucs cette semaine. Ouais, je poste souvent des trucs. Moi, je dirais qu'on pourrait y aller avec l'espèce de nouvel album de... Nouvel album de... Donc, pour ceux qui n'écoutent pas live, vous voyez pas ce que Jeff vient de mettre, mais ouais, c'est l'effet. C'est wow. C'est exactement ça. C'est toi qui étais là-dedans? Ben ouais, c'est pas lui à ce moment-là, là, mais ouais, c'est ça. C'était ça. Ça a pas l'air forcément hyper confortable. Oui, vas-y, Steven, on t'a coupé. Oui, je vais juste chercher le titre. C'est ça, vendredi est sorti un dernier album de Sia qu'elle a fait en collaboration avec Labyrinth puis Diplo. Puis il y a deux succès de ça qui jouent beaucoup à la radio, dont Genius. Puis je l'ai beaucoup en tête, puis l'album est vraiment très bon. Fait que pour faire différent d'une rock metal, on va y aller dans la pop délirante. Fait que c'est ça. Genius de Sia? Ouais, Sia. Diplo et Labyrinth. Malade. On se retrouve après, on va continuer de jaser. Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Girl, I've fallen for you. Oh my God, baby, baby, don't you see? I got everything you need. Only a genius can love a woman like you. Oh my God, baby, baby, don't you see? I got everything you need. Only a genius can love a woman like you. I'm a genius. See ya. De retour pour parler de films, parce que c'est ça qu'on a écouté. Hey, là, je vais vous parler de quelque chose que probablement pas grand monde connaît, et c'est distribué par TVA Film. C'est le nouveau film de Marc Bisaillon, et ça s'appelle L'amour. Je vous montre la pochette, ceux qui peuvent l'écouter live, parce que la photo est quand même fucking... bizarre. Je connais rien, mais tu m'as montré la pochette, puis j'ai reconnu automatiquement. Ouais, c'est tu vois un petit bébé, c'est comme une photo Polaroid d'un petit bébé qui dort dans un lit avec un gun, puis des douilles à côté, puis c'est écrit « Mon homme, Alex, 1 an ». Donc, c'est ça, réalisé par Marc Bisaillon, que, je connaissais pas vraiment comme réalisateur. Ça met en vedette Pierre-Luc Lafontaine, Jeune garçon qui avait joué dans 51-50 Rue des Hommes, dans Sarah préfère la course. Puis à la télé, si je me trompe pas, il avait joué dans La Galère, si je me trompe pas. Et ça met aussi en vedette Paul Doucette, qui avait joué entre autres dans les Trois Petits Cochons, qui jouait le frère sage. Ouais. Puis ça raconte l'histoire vraie. C'est ça qui est débile. C'est l'histoire vraie d'un petit garçon introverti qui s'en va rejoindre son père aux États-Unis. Puis son père l'a toujours élevé dans la culture des armes à feu. Le petit gars, ben, c'est l'histoire, ben, c'est une histoire vraie. Fait que, puis écoute, c'est même écrit en l'air de la pochette. Là, fait que je peux vous le raconter. Le petit gars décide qu'il pogne le listing des délinquants sexuels. Puis il va aller les tirer. Il décide d'aller tirer des délinquants sexuels. Puis c'est un peu l'histoire de tout ça. Marc Bizarion était capable d'avoir en entrevue la mère du garçon original qui s'appelait Stephen Marshall. Ouais, c'est ça. Stephen Marshall, puis c'est en 2006 que ça s'est passé, cette histoire-là. Puis c'est ça. Ben, c'est l'histoire de comment ce petit gars-là a pu se rendre jusqu'à ça. Et ben, je vous dis tout de suite, c'est pas joyeux. C'est pas joyeux comme film. Tu suis vraiment comme le parcours psychologique de ce petit gars-là. Je dirais pas que c'est excellent comme film parce que, étant donné qu'on sait où ça s'en va, tout ça, tu sais, je veux dire, tu peux pas faire autrement que juste assister à ça puis te dire, bon, il n'y a pas d'issue. On sait exactement ce que ça va finir, malgré qu'on sait pas comment que ça finit si on n'a pas lu l'histoire originale, et ça finit de façon vraiment fucking lourd. C'est fucking lourd comme film, parce que bon, tu veux savoir pourquoi que le petit garçon a fait ça, pourquoi est-ce que son père l'a éduqué dans la culture des armes à feu, tu sais. Tu vois, le petit gars, il est jeune, puis il y a un baveux qui arrive chez eux, puis il est en train d'écœurer son ami, puis il s'en va carrément chercher le magnum à son père, là, puis tu sais, il menace. Là. Puis t'es comme, tabarnak, tu sais. Il y a des scènes comme ça qui sont rough, mais en même temps, il y a d'autres scènes qui tombent des fois à plat. tu sais, quand tu essaies de nous montrer ce petit gars-là dans sa vie de tous les jours, on dirait que t'es comme, ok, on voulait nous mettre du remplissage pour montrer que finalement c'est quand même un petit gars normal. Mais c'est correct, tu sais. Je veux dire, ça reste que c'est sûrement pas quelqu'un qui était seulement mauvais. Mais il y a eu de quoi tout le long de ce film-là qui m'a gossé. Puis la seule truc que je réussis à trouver, puis c'est niaiseux, mais c'est Paul Doucette qui parle en français puis en anglais en même temps. Il y a une manie dans la vie là, que certaines personnes ont, puis je juge personne qui le font, là, mais ça, moi, personnellement, ça me gosse. Puis c'est à cause de ça, peut-être, que j'ai pas accroché. C'est le monde qui vont parler une phrase en français, puis « All of a sudden, they're gonna talk in English for another sentence. » Et puis là, ils vont revenir en parler en français. Ça marche pas, moi. Bon. Chantal fait jamais ça devant Seb. Je sais que c'est du monde qui ont été plus élevés dans l'anglais puis tout ça, puis tu sais, Paul Doucette et dedans joue un père qui s'est rendu aux États-Unis, puis tu sais, puis il parle avec son fils en français, mais c'est ça, moi personnellement, ça me gosse parce que en région, il y a personne qui fait ça. Ouais, c'est sûr. Il y a personne qui fait ça en région. Fait que tu sais, moi, quand j'entends quelqu'un faire ça, je fais comme, pourquoi tu fais ça? Fait que, tu sais, tout le long du film, moi, ça m'a accroché, ça m'a titillé, là, tu sais. Fait que j'ai pas été capable. J'y croyais pas à Paul Doucette. C'est bizarre. Autant que le petit garçon était bon, autant que Paul Doucette, j'étais pas capable de... Je sais pas, il y avait de quoi dans sa livraison qui était pas... qui est pas venu me chercher. Mais honnêtement, je vois Cynthia qui dit sur le chat, elle dit « Oui, je voulais voir ce film-là. » Ben, écoute, Si tu réussis à mettre la main dessus, écoute-le quand même, parce que ça reste que c'est... L'histoire est intéressante à être vue, mais je pense pas que c'est la meilleure façon de l'avoir racontée. C'est ça que je trouve plate. Je trouve que c'est une histoire qui était excessivement difficile à romancer. Puis je suis pas sûr qu'ils ont réussi à le faire comme ils auraient dû. Mais c'est ça. Donc, non, je voulais en parler parce que, ben, c'est ça, ça nous avait été fourni. J'avais promis une critique. Alors, voilà. C'était ça. Mais je suis pas déçu de l'avoir vu. Mais c'est... Il a vraiment fallu que je me remémore le film beaucoup avant d'en parler ce soir parce que c'était vite oublié. Jeff. OK, ouais. Fait que toi, t'es pas un fan d'Hélène de Rogue Voisine. Hein? Hélène Things You Do. Bon, ben, on est autre, on s'entend. Tabarnak. Ah non, juste à cause de ça. Là. Mais c'est peut-être ça mon traumatisme, finalement. Peut-être. C'est peut-être traumatisme. C'est peut-être. C'est ça. C'est peut-être Rogue Voisine. La faute de Rogue Voisine. C'est ça. C'est de sa faute. C'est ça. Tout est de sa faute. Moi, c'est légèrement plus léger. Légèrement plus léger. C'est léger longtemps. Là. Sur le Criterion Channel, hier, on checkait justement, moi et ma blonde, quelque chose à regarder, puis on a opté pour une petite comédie de 1h20 à peu près, du réalisateur Robert Townsend, que je connaissais pas, à part de nom, mais du tout. Ça s'appelle Hollywood Shuffle, ça date de 1987, puis ça raconte un peu, c'est semi-autobiographique dans le sens où c'est Robert Townsend qui est un acteur noir qui joue un personnage qui cherche à devenir acteur Hollywood, mais qui se... est pogné à... est confronté à toutes sortes de stéréotypes à Hollywood. T'sais, ils veulent tout le temps des Noirs qui agissent d'une certaine façon, qui parlent d'une certaine façon, puis tout. Puis c'est un film qui focus beaucoup là-dessus. C'est une comédie qui parle du peu de rôle qu'il y a, puis du peu de diversité qu'il y avait à cette époque-là pour les Noirs à Hollywood. Fait que c'est super intéressant pour ça. Ça a un propos politique, mais en même temps, c'est une comédie qui insère plein de parodies d'affaires qui existaient à l'époque, d'Indiana Jones, de Rambo, puis toutes sortes d'affaires dans ce film-là. J'ai vu dans ce film-là les bases du film UHF de Weird Al Yankovic qui allait se faire deux ans plus tard. Le film de Weird Al est vraiment plus éclaté, plus comique et moins politique. Mais j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de similitudes entre les deux. Puis il y a aussi, pour ceux qui ont suivi la série Master of None sur Netflix avec de Aziz Ansari, il y avait dans la première saison un épisode qui s'appelait Indians on TV, qui était un épisode complet sur le peu de rôle qu'il y avait pour les Indiens, les gens de l'Inde, dans le fond, comme Aziz, à la télévision. Puis je trouvais qu'il y a beaucoup, beaucoup de similitudes entre cet épisode-là puis le film. Quoique le truc d'Aziz était mieux écrit, selon moi, parce que je suis plus un fan d'Aziz puis de son humour puis son intelligence, fait que je trouvais que c'était mieux écrit. Robert Townsend tombe un peu des fois dans des clichés, des stéréotypes. Il va dénoncer des trucs par rapport au noir, mais il va mettre un moment donné un genre de gay qui se promène avec les mains en l'air comme ça, puis c'est vraiment un cliché de gay, puis c'est comme... T'es pas égal avec tout le monde, là, tu sais. Ouais. Ah mais, ouais, OK, ouais. Mais j'ai aimé quand même son approche, ce qu'il avait à dire, puis tout, puis c'est ça. C'est co-écrit par lui, puis un des frères Wayans, Keenan Ivory Wayans, puis il y a aussi, on voit Damon Wayans dans le film, qui joue... les acteurs jouent plusieurs petits rôles, parce que, comme je disais, il y a plusieurs... segments qui sont des parodies de choses qui existent. Il y a des trucs plus drôles que d'autres, comme à un moment donné, t'as Robert Townsend et un autre acteur qui font une parodie de Siskel et Ebert de leur show. Puis au lieu d'être deux critiques assis dans le cinéma qui regardent des films, c'est deux noirs qui sont rentrés par infraction dans le cinéma pour regarder des films pour dire au public si ça vaut la peine de payer pour. T'sais. Sneak in the movies. C'est comme, tout on est là, puis on regarde, puis on vous en parle. Puis à chaque fois qu'il regarde un extrait, c'est comme, ah, c'est de la bullshit, c'est mauvais ce film-là. Il regarde une parodie d'Amadeus ou des trucs comme ça, puis c'est de la bullshit. Puis il a marre à dire, en tout cas. Mais en gros, j'ai aimé ça, c'est le fun. Puis ça a un propos intéressant sur la discrimination à Hollywood, puis tout. Puis tu vois que les choses n'ont pas beaucoup changé, justement à cause. Quand je pense à l'épisode de Master of None, tu sais que les choses n'ont pas beaucoup changé. Si les choses ont changé peut-être pour les Noirs, ça n'a pas changé pour d'autres communautés. C'est un à la fois. C'est ça, un à la fois. T'sais. Les gays, ça a changé. La représentation des gays a peut-être été moins stéréotypée. Les Noirs, ça s'en vient lentement. Mais les autres, ou peut-être. Non, je trouve que, tu sais, c'est ça. Il y avait un propos intéressant. C'est du guérilla filmmaking. Fait que c'est fait un peu tout croche. Le son est vraiment mal chié souvent. T'sais. En tout cas, on entend bien, mais c'est comme... C'est souvent, vraiment... ça donne un aspect plus documentaire aussi. C'est nice pour ça. C'est intéressant. Puis je serais curieux. Ça m'a donné la curiosité de voir ces autres films quand même. T'sais, je connaissais juste de nom vaguement. Puis je me rappelle la pochette d'un de ses films, c'est Meteor Man en 13. Là. Oh my god! Hey boy, oui. Plus ça, je sais pas. Je sais pas à quel point ces films sont, s'ils sont aussi intéressants que ça au niveau justement social, s'ils dénoncent des affaires comme ça, mais ça devient juste des comédies. À quand le Criterion de Meteor Man? Mais tu sais, quand je cherche le Blu-ray sur Amazon, je check juste pour voir. Il n'y a pas de Criterion, c'est un E1. Fait que c'est distribué par E1. Fait que je pense que peut-être que sur le Criterion Channel, il y a des films de E1 et d'autres petites compagnies. Ah. Peut-être. Je sais pas, là. Faudrait fouiller. Ben, ça peut dépendre. C'est un peu comme. C'est un peu comme The Black Stallion. C'est distribué par Columbia, mais il a sorti un Criterion. Mais tu sais, tu peux pareil trouver un DVD ou un Blu-ray de Columbia. Fait que sur le site de Criterion, eux autres mêmes, Criterion.com, genre pour. Ouais. J'ai juste checké. Ouais. Puis le seul Blu-ray qui me sortait du film, c'était E1. Ok. Fort possible. Non, mais cool. En gros. Je le recommande, ça a drôlement vieilli aussi la musique. Hey, c'est tellement années 80, là, c'est fou. Là, c'est tout le style, les vêtements, puis tout. Si vous aimez l'époque, là, on est vraiment des années 80. Là, c'est, la soundtrack, c'est ça dégouline d'années 80. Là, hey, rappelle-nous le titre. Hollywood Shuffle. Hollywood Shuffle, cool. Oui, 1987. Nice. Je vais vous finir ça. C'est une deuxième partie d'épisode. On n'est pas bon pour balancer nos moitiés d'épisode. Pas des moitiés. C'est des trois quarts, un quart, quatre cinquièmes, un cinquième. Je sais pas. Mais c'est pas grave. Je vous parle de ça vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il faut que je le fasse à toutes les fois parce que c'est rendu mon dada. Je vais vous parler d'un jeu de réalité virtuelle parce que pour moi, c'est comme si j'étais dans le film. Je vous parle du jeu qui nous a fait le plus rire la semaine passée. Moi et des amis, on s'est loué un chalet du vendredi au dimanche. On a écouté des films, on a joué à des jeux de société, on a bu bien de la bière, on a mangé bien de la bouffe, puis on a joué à Drunken Bar Fight. Ah, oh, ça a l'air tellement le fun! Et là, écoutez... Le titre dit tout! Le titre dit tout! Il n'y a rien d'autre à dire! Vous irez voir les images. Drunken... D-R-U-N-K-N. Il faut vraiment faire l'abréviation. Bar Fight. Et je vous le donne en mille. Vous commencez le jeu en réalité virtuelle. Il y a trois bars qui s'offrent à vous. Vous rentrez et vous colissez une volée au monde. Ce n'est que ça. Mais c'est drôle de chez drôle. Ben, en fait, je pense que j'aurais pas eu de fun tout seul. Honnêtement, j'aurais pas eu autant de fun tout seul. Mais là... Trois gars à 1h30 du matin, pas mal avancés niveau alcool, c'était le jeu idéal. Parce que les contrôles sont un peu tout croche. Tout ce que tu fais, c'est que tu peux sacrer des volets au monde, mais tu peux aussi prendre n'importe quoi ce qui traîne dans le bar, puis le lancer dans la face. Puis tu sais, quand je dis le lancer dans la face, c'est carrément prendre le tabouret. Tu y pètes sa gueule, tu pognes les jeux d'or, tu y lances dans la face. J'étais dans un bar où c'était un bar sur un genre un 25e étage d'un building. Il y a un beau buffet. Tu pognes des homards, puis tu y garoches dessus. Autant que tu peux prendre des couteaux puis y planter dans le dos. Mais tu sais, les gars sont pas tuables. C'est ça qui est drôle. Le monde sont pas tuables. Tu sais, t'es pognes du 25e étage, puis t'es lances parce que tu peux prendre le monde puis les lancer. T'es lances en bas du bord, puis ils remontent par l'ascenseur 2 secondes plus tard, puis ils reviennent, puis sont heureux. Parce que c'est ça, le monde en plus, c'est pas eux autres qui viennent te chercher, c'est toi qui le calles, c'est une volée. Ce jeu, c'est vraiment, c'est wrong début à fin. Tu sais, j'ai des séquences filmées d'un de mes amis qui pogne un martini, puis qu'il le met dans la face du gars, puis qui dit « T'aimes-tu ça un martini? » Ouais, t'aimes-tu ça un martini? Puis, tu sais, le gars réagit pas parce qu'il a pas sacré une volée. Fait qu'on dirait vraiment juste, mon ami, c'est un gars désagréable d'un party de gars vraiment trop stiff. Puis le gars, il est juste comme, oui, oui, elle lave chez moi, s'il vous plaît. T'sais. Mais si tu danses dans la face, par exemple, oh ben là, il va te sacrer une volée. Mais c'est drôle parce que des fois aussi, il y a des gars qui veulent pas se battre, puis sont juste dans des coins, puis ils se protègent. Puis lui, il faut que tu sacres une volée à tout le monde, puis qu'ils soient tout à terre pour pouvoir passer au prochain niveau. Qui est un gars de plus dans le bar. C'est juste ça. T'sais, au début, il y a un gars dans le bar. Si tu continues, il y en a 2, 3, 4, 5. Puis là, maintenant, quand tu es rendu à 1 contre 5, ça n'a juste plus de sens. Tu peux prendre le monde puis t'en servir comme batte de baseball. Fait que tu peux prendre un gars puis juste sacrer des volets à tout le monde juste en le swingant d'un bord puis de l'autre. C'est drôle, drôle, drôle, drôle, drôle. Si vous avez accès à une PlayStation VR ou peu importe, puis vous cherchez un jeu de party, une soirée avec du monde juste pour avoir du plaisir, avec du monde que, tu sais, ça prend pas de skill ou quoi que ce soit. J'ai eu du fun, du gros fun noir. Je suis pas capable de voir le prix présentement parce que je l'ai acheté. C'est ça qui est niaiseux là, sur PlayStation Store. Si t'as acheté un jeu, ils te montrent pas combien il coûte. Mais c'était... Pognez-vous là en bas de 10$, puis honnêtement, vous allez avoir du fun. On a joué ça le vendredi soir, puis le samedi soir, on a fait... On joue-tu à un autre jeu? Non, on rejoue à Drunken Bar Fight. Fait que... Juste la vidéo, j'avais du fun. Fait que écoute, man, c'est vraiment, vraiment, vraiment drôle. C'est pour des jeux de même que tu fais comme, OK, la VR existe. Pour des niaiseries. Pour des niaiseries de gossous. C'est ça. T'sais, on a joué à ça puis à Creed, t'sais, là, le jeu de boxe hyper ouais. réaliste, là, t'sais, là, parce que fallait qu'on se protège puis tout ça, mais non, l'impression on jouait à Drunken Bar Fight, là, c'est juste n'importe quoi. T'sais, j'avais lancé mon juste pour dire, c'est vraiment niaiseux, là, j'avais lancé mon couteau dans le dos d'un gars, je l'ai pogné par le collet, je suis allé rechercher mon couteau puis j'ai replanté dans l'œil. Mais t'sais, mais le gars il tient debout puis il est juste comme ça le dérange pas. T'sais, il n'y a pas de sang, il n'y a rien, là, t'sais, là. Puis les gars, ils sont juste comme des... comme des marionnettes. Ouais, c'est ça. Ils appellent ça le ragdoll effet. Là. C'est vraiment comme des pantins. Là. Fait que, tu sais, quand tu sacs une volée puis il tombe en terre, les bras, ils revolent de tous les bords. Là. C'est très drôle. Fait que, ouais, c'est ça. Salut Gabriel qui vient de se joindre au chat. Hey, puis Gabriel, d'ailleurs, qui est un nouveau Patreon qui a droit à une mention spéciale de shout-out de fin d'épisode. Tu l'auras, Gabriel, ta mention. Mais tout ça, c'était mon jeu VR de l'épisode. Il fallait absolument que j'en parle. Que je pensais pas, qu'on allait jouer 5 minutes puis qu'on allait s'écœurer. Puis finalement, c'est le jeu qu'on a joué jusqu'à la fin de la soirée. Hey, sur ça, est-ce que vous aviez d'autres choses à jaser? Non. Non. On a pas mal fait le tour. Puis là, ben, le prochain, là, on se le dit, là, c'est le Shameless à GF. Oui. Ouais, parce que là, on retombe dans les Shameless. Oui. Puis, ouais. Mais on n'aime pas les films. On les nommera peut-être une journée ou deux si le monde veut les écouter pour pouvoir suivre l'épisode comme il faut. On nommera ça quand on va être sûr que ça arrive. Quand on aura la confirmation le samedi matin, que le dimanche, puis que là, on fera comme shit, faut que je les écoute, les films. Là. Puis, mais c'est ça, entre-temps, j'espère pouvoir lancer mon nouvel épisode de Fun de regarder films vidéo. Parce que, bon, le montage est commencé, mais c'est ça, avec ce qui s'est passé avec ma blonde, tout ça, ça a été retardé. Mais là, j'espère que ça va mieux aller. Ben, les gars, c'est le temps de faire le message Patreon. Les gars, pendant que je suis en train de rechercher... Nos généreux donateurs Patreon, j'aimerais ça que vous me disiez comment est-ce qu'on peut nous encourager à part un Patreon. Allez-y donc, voir. Oh. J'aime la face de GF. Hey, hein? Déjà, partage, juste interagir avec la page et avec nous, des commentaires, déjà là, ça fait grandement plaisir. Mm-hmm. En parlant à nos amis, à vos amis aussi, pour qu'ils suivent le show. Ben oui, ça fait. C'est sûr qu'on n'a pas été très stable dernièrement. T'sais, on a eu beaucoup de retardements, puis on a repoussé sans arrêt les épisodes. Mais normalement, on est stable aux 2 semaines d'habitude. Fait que c'est pas supposé. Puis, ben écoutez, aussi, oubliez lien pas. Amazon, d'aller, oui. Hein? Lien Amazon aussi. Ben, lien Amazon sur notre site, mais ça, non, pas ça. On a... J'allais dire... Oh, je suis proche de dire qu'on va avoir besoin de collaborateurs sur le site. Alors, mais je ne veux pas lancer l'offre à tout le monde. Si vous écoutez le show, puis que vous êtes là depuis longtemps, puis vous dites, moi, j'aimerais ça faire partie de la gang, ben, je vous dirais qu'on a... Je commence à avoir besoin de monde pour faire des critiques écrites. Parce que j'en reçois de plus en plus, puis je dis non de plus en plus souvent. Fait que si vous vous dites, ben moi là, je pense que j'aurais la plume pour soit écrire sur des jeux ou des films, ben écrivez-moi, écrivez-nous en privé, puis on va regarder ça avec vous autres. Puis je pense sincèrement qu'on pourrait, on pourrait trouver une façon de vous rentrer dans l'équipe de critiques sur le site, parce que, ouais, j'aurais vraiment le goût qu'on agrandisse l'équipe. Je dis non trop souvent, là. J'ai dit un gros... Je dirais pas pourquoi, j'ai pas le droit de dire pourquoi que j'ai dit ce nom-là, mais j'ai dit un gros, gros, gros non cette semaine. Je vous dirais, imaginez une des plus grosses sorties qui s'en vient présentement. J'ai eu l'offre d'aller voir le film en avant-première médiatique, puis j'ai été obligé de dire non parce qu'il n'y avait personne qui pouvait aller le voir. C'est tout ce que je peux dire. C'est ça, j'ai rien nommé. Mais c'est ça, fait que si vous sentez que vous avez l'âme d'un ou d'une critique, parce qu'évidemment, ah, puis ça, c'est ça que je voulais dire, là, si vous êtes une fille, là, puis vous avez le goût, là, faites de faire partie de l'équipe, s'il vous plaît, manifestez-vous. On en avait une qui était très, très bonne, qui nous a quittés, puis ça manque. Fait que, ouais. Allez-y fort. Puis c'est ça. Puis là, bon, j'ai trouvé nos Patreons. Hey, ils ont changé la page Patreon. J'ai tout perdu mes repères. Ben, c'est la même gang que d'habitude, sauf que maintenant, on a un petit nouveau dans l'équipe. Donc, c'est ça. Vous avez toujours Patreon que vous pouvez nous encourager pour nous permettre de faire subvenir le show, puis améliorer le site. Vous regarderez sur la page Patreon, c'est quoi qu'on a comme plan pour les futures améliorations. Au patreon.com/funregardlesfilms. Et ben, si vous êtes un donateur vraiment spécial, vous aurez droit à votre shout-out, tout comme... on a Patrick Perron pour VI2XP. On a Kevin Hood, qui est toujours là. Aussi, on a Véronique pour les douces folies de Nikki. Et on a Gabriel Le Breton qui s'est ajouté. Gabriel Le Breton, qui est un autre gars de ma job. Écoute, ils sont rendus deux à ma job à nous donner un 5$ par mois. T'es en train de convertir les gens. Oui, puis Gab, c'est à cause de la radio qui nous donne de l'argent. Il trippe trop sa radio, fait que il a décidé de nous encourager. Puis il se pointe de temps en temps. Puis Gab, ben, allez voir sa page Totema Studio. Ils font des jeux. Ils font des jeux des jeux vidéo. Puis ils sont en pleine campagne Kickstarter présentement. Donc, nice. Vous irez voir ça. Un jeu qui s'appelle Zombiotic. Un jeu, écoute, eux autres, ce qu'ils font, c'est des jeux coop, mais tout le monde, pas en ligne, là, tout le monde sur le même divan. Là. Puis leur jeu, c'est un jeu de survie de zombies où ce que un des joueurs commence zombie, puis il faut qu'il essaye de convertir les autres en zombies. Puis le but, c'est soit d'être un zombie qui attaque vite ou d'être un survivant qui survit jusqu'à la toute fin. Et ça peut jouer jusqu'à 8 en même temps, sur le même divan, sur la même TV. C'est assez génial. C'est vraiment le fun. Fait que vous aurez jeté un coup d'œil à ça. Puis, ben tu vois, regarde, il vient de le partager dans le chat. Kickstarter.com/projects/Totema Studio/Zombiotic. Mais vous allez voir leur page Facebook, ça va peut-être être plus facile. Totema Studio. Ils ont plein d'autres bons jeux qui jouent sur des cellulaires et tout ça. Puis c'est vraiment une gang tripante. Puis ben, sur ça, les gars. Sébastien. Est-ce qu'on a d'autres choses? Je crois que non. J'ai vu JF s'avancer doucement. Non. Non. Okay. Ben, écoutez, ben, je vais vous dire le beau bye-bye. Alors, Steven, bye-bye. Bye-bye, Sébastien. Jeff, bye-bye. Bye-bye. Tout le monde live et qui nous écoute, bye-bye. Et n'oubliez pas de garder ça le fun.